Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous et bienvenue à l'épisode 168 de chez Papa Cassette. On se réveille avec une belle musique de Super Mario Bros. 3. Ben oui! Tout le monde la connaît. Tellement entendu ça. Ça va bien, Jean-François? Oui, toi, Dom. Ben oui, très bien. Alors, on y va tout de suite avec les joueurs du Canadien pour ce soir. Numéro 1, on y va avec Denis DeJordy. Si bol, OK. Gardien de 1972. Seule année. Sa seule année. Il a même pas fait une saison complète. Il a fait une année. T'es un alcoolique. Et puis, numéro 6, on y va avec Jack Laviolette. Ah. Il a joué en 1918, une année pour lui aussi. Tout du monde qui sont allés à la guerre, ça, sûrement. Fort probable. Numéro 8, il y en a beaucoup. Il y en a comme énormément. Et puis, je vais essayer de trouver quelqu'un qu'on connaît, là. On va y aller avec Dick Doff. Dick Doff? Dick Doff. Il semble dans Slapshot, ils disent ça. Ça se pourrait. Ah, ça se pourrait. C'est pas le nom du journaliste, là. Ah, Dick Doff. Ouais, Dick Doff. Ah, ça se peut. Ouais. Dick Doff, 1965 à 1970. Il y a tellement de noms dans Slapshot, là. Ah, ouais. McCracken. Mais pour vrai, je pense qu'il l'appelle de même, Dick Doff. Ça se peut. Faut voir que je me retape ça pour vrai, là. Ouais. Quand il va voir la propriétaire à la fin, elle dit, là, le journaliste, là, que... Dick Doff. Vous lui avez dit, monter un bateau, là. Ah, Dick Doff. On va aller voir le chat. On va aller voir le chat. Bonsoir. Larry est là. Salut, les gars. Gars. C'est Frank est dans la place. Allô, Catin. Il était présent pour les pierres à feu. Oui. Salut, Jim. Nananananine. Olivier est là avec le allô en nacho. Yes. Domingue, 123 underscore. Content de nous écouter à soir. Ben, content que tu sois là. Larry 48, tweet. 48. Tweber. Oui. Il nous propose Weber comme joueur du Canadien. Oui. Oui. Oui. Mais c'est trop facile. Non, c'est ça. On aime ça, les vieilles affaires. Oui, le monde qu'on connaît pas. Là. C'est un spectacle rétro ici. C'est vrai, c'est vrai. C'est thématique. Exact. Tu devrais mettre ton chandail des Whalers, là. Ah ben, j'en ai pas, malheureusement. Ton jersey. T'as pas un jersey des Whalers? Non. Ah non, t'as le vu à Islanders, le Fisherman. Ouais, ouais, Highliner, ouais. Je pense qu'il l'appelle. Ah ouais, c'était le 6 à part de ça. Oui, c'était le 6. Weber, ouais. C'est le numéro 6. Oui. Ouais. Okay, ouais, mais... J'avais 8 dans la tête. Moi, c'est Rick Green aussi. Il me semble que c'était le 8. Oui. Mike McPhee. Me mélange tout le temps des deux. On est fatigué là, c'est retour du WEG. Ben, retour du WEG, ça fait une semaine et demie là, déjà. Là. Ouais, ben on s'en remet là. Et c'est... puis. Pas moi là, mais ça s'en vient. Là. On va en parler pas mal tantôt, mais avant ça. On a un gros spectacle ce soir. On a un gros spectacle, mais Jeff, t'as eu un cadeau. Ah, c'est-tu ce qu'on a parlé la semaine passée ou l'autre jour d'avant? Quoi c'est-tu, donc? C'est-tu Burger Time? Ah ben, crime, je me souvenais même pas. Non, ça rappelle. Parlé de ça. Un de Jeff pour la collection Atari, Pascal Ayotte, aka Blastman. Merci beaucoup. Donc, on va aller tout de suite dans le duplex de collection comme ça. On va enlever le petit collant. Ouais, tu peux même montrer le collant. Ah ouais, je peux mettre le collant. Et voilà. Alors, Blastman. Ah, il avait dit dans le chat, là, il était là, il parlait qu'il avait reçu ça, puis qu'il en avait acheté deux par erreur. Puis, ah oui. Donc voilà. Hey, c'est super gentil. Merci beaucoup. Alors, tu vas pouvoir jouer à cet excellent port d'un Burger grand Time. Classique d'arcade. Ben oui. Pour vrai, quand même bon, le port Atari 2600 de Burger Time. Et puis, je veux rappeler aux gens que ces jeux-là sont faits par M Network, comme Mattel Intellivision. M pour Mattel. Parce que Intellivision faisait. Mattel faisait l'Intellivision. Ouais. Puis à un moment donné, ils ont fait des cassettes pour l'Atari aussi. Puis là, si tu chopes cette partie-là ici, ça a précisément la même shape qu'une cassette Intellivision. Ah, mais il a fallu qu'ils rajoutent un embout ici pour que ça fitte dedans un Atari. T'sais, ils n'ont pas remoulé tant que ça la cassette. Fait que c'est une économie. Hop. Alors voilà. Ben, ils ont porté leur port d'un. Ils ont porté. Porté le port. Ils ont porté le port de l'Intellivision à la tête. De l'arcade de l'Intellivision à la tête. Ben, wow, merci beaucoup. Très content. Fait que. 82, j'étais pas né. T'étais pas né, c'est vrai. Je suis l'année d'après. Ah, écoute. Alors, je vais jouer avec agrément. Je vais aller faire descendre le bacon et tout ça. Là. Ouais, ben y a du bacon? Y a pas de bacon. Y a pas de bacon dans un burger, non? Ben, ouais. Peut-être rendu très loin. Ouais, peut-être. Là. Je mais, me suis rendu bien loin à Burger Time. Non, ouais, c'est une... faut apprendre. À l'arcade, j'aimais pas ça. Là, je me suis mis à jouer, puis là, j'ai catché un peu le pattern des ingrédients qui te courent après. Puis là, c'est un jeu maintenant que j'aime vraiment beaucoup. Alors, tu pourras en faire la critique. Je t'invite à en faire la critique lors d'un prochain spectacle. Ça s'en vient, avec d'autres choses aussi, là, rétro, là, qui s'en vient. Ah oui, il y a plein d'affaires qui arrivent. Tu veux une bière, toi, ou tu... Moi, non, parce que je suis comme épuisé. Ben, serre-toi, mon ami. Alors, j'ai deux petits retours à faire en intro. Je veux parler de Conquerax, le YouTuber français qui est venu ici chez Retro MTL. Pour ceux qui se demandaient, c'est lui qui a communiqué avec nous directement. Il était en ville à Montréal pour un événement familial, un mariage. Et puis, tant qu'à être en ville, il voulait visiter un magasin de jeux vidéo. Fait qu'il nous a trouvés. Et puis, il est venu ici. Alors, c'était pas évident parce que il y a eu un conflit d'horaire, en fait une mésentente où est-ce qu'il y a un week-end que tout le monde on était tous d'accord que personne n'était disponible. Fait qu'on va faire ça un week-end avant, puis là finalement c'était pas sûr. Fait que bref, c'est pour ça que si vous avez vu nos médias sociaux Retro MTL, il y a un petit fuck-up. Mais finalement, il pouvait ne venir qu'un dimanche, qui était notre dimanche de retour du WEG. Ouais. Fait que là, c'était pas évident. On n'allait pas être là, finalement. Mais Lisanne, ici, chez Retro MTL, allait s'occuper de l'événement. Et puis, finalement, Martine est revenue plus tôt, puis elle s'en est occupée. Alors, il a été ici. On ouvrait à midi, de midi à 5, le dimanche. Et puis, à 11h, il y avait une file dehors. C'est et bon, puis, il y a eu une file dehors et à l'intérieur de 11h jusqu'à la fermeture à 5h. Okay. C'est complètement fou. Et puis, il a été hyper généreux avec tout le monde. Il a parlé à tout le monde. Ah, c'est hot. Il a été debout pendant 5h. Pas manger, pas rien. Go, là. Puis, à chaque personne qui arrivait, comme il l'accueillait, tu sais, comme il donnait full de temps. Il était généreux. Là, super généreux. Les gens, Guiz puis Laurent de Le Jeu C'est Sérieux aussi. Quand j'ai vu eux qui venaient, je me suis dit, on pourrait peut-être faire de quoi avec eux aussi, tout le monde ensemble, tu sais, ça va être malade. Puis ils sont venus, puis ça a été super bien, tout le monde a signé des autographes. Puis tu sais, le but aussi, c'est qu'ils filment un peu dans place, Conquer, puis qu'ils fassent une vidéo sur nous autres. Ouais. Nous autres, c'est de la pub. Ça nous rapporte rien d'avoir du monde qui font des line-up dans place. Non, mais tu sais, je veux dire, cette semaine, sur Facebook Reel, j'ai pogné un clip de l'autre qui est venu, là, avec Carlito. Mais il était avec l'autre, puis il parlait de sa venue à Montréal. Genre, il dit, t'es allé à Montréal, hein? Puis il parlait d'ici, fait que c'est cool. Ça rayonne, là. Ben c'est ça, mais ils en parlent, mais aussi finalement les gens qui sont venus faire la file, ils ont quand même acheté aussi. Et puis c'est très bien, merci à tous. Et puis même si on pensait qu'ils allaient filmer dans l'après-midi, puis lui puis Guiz s'étaient fait des plans, finalement il y a eu tout le monde, on revient. Mais à 5h, après 5h, ils sont restés, puis là ils ont tourné des affaires. Okay. Là, fait que je remercie encore Martine d'avoir été ici de 11h jusqu'à fucking 8h du soir. Ça a été occupé des invités comme ça. C'était vraiment, tu sais, après le WEG, pour elle aussi. Gros événement. Tout le monde a été super sweet. Bons commentaires sur toutes les publications des médias sociaux, de tout le monde. Fait que du gros love. Et puis, encore une fois, je suis bien content qu'on soit capable de faire des choses comme ça ici. C'est cool que ça soit aussi dans le positivisme. Puis c'est pas genre, tu sais, il y a une époque, c'était genre les revendeurs. Puis genre, c'était comme on dirait que tout le monde est en crise. Si c'est du love, puis genre des jeux vidéo, c'est le fun, tant mieux. Là. Ah, exact. Il en reste plus ben du monde en crise, moi, de dire. Il y en aura toujours. On les tasse du revers de la main. Ah, c'est ça. Blastman qui s'est joint, t'as manqué mon segment là, de sur ça. J'ai reçu ton merveilleux cadeau, donc merci beaucoup. Le temps du hamburger. Le temps du hamburger se fera aller chez moi bientôt. En fin de semaine, là, c'est sûr. Je joue à ça. Absolument. Faut que ça roule, ces belles Atari-là. Puis on a Domingue qui dit c'est impossible de passer chez Retro MTL sans acheter. Ah, ben c'est bien smart, ça. Et puis, c'est ça. Moi, on le fait aussi. Tu sais, on vend des jeux. Là. Le but, bien sûr, c'est de faire de l'argent ici, mais pas salement, et aussi de le faire professionnellement avec une mentalité de collection et de jeux propres et d'amour pour les jeux vidéo de toutes les générations. Et aussi pour la communauté. Tu sais, moi, dans des événements de même, c'est pour la communauté aussi, pour les tout le monde. Les jeux vidéo, c'est pour tout le monde. C'est... Exact. C'est notre façon, tu sais, de garder ça en vie ici à Montréal puis de faire notre part, tu sais, pour que les jeux vidéo restent bien vivants. Mais ça crée une image de marque là, aussi, tu sais, puis ça vous met sur le spotlight, là. Exact. C'est quand même des milliers d'auditeurs, eux autres, là, ces YouTubers-là. Ouais, absolument. Il y a une moyenne de 80 000 views là, sur ces affaires. Mais tu sais, c'est en France, fait que bien sûr, Mais bon, il va sûrement avoir des Français. Ben, il y a plein de Québécois qui l'écoutent aussi. Puis il y a plein de monde qui ne connaissent pas. Chris, il y a du monde en bas de la rue là-bas qui ne savent même pas qu'on existe. À chaque semaine, on apprend ça. Ça hey, il doit y avoir du monde genre en bas, là tantôt, là, qui ne savent pas qu'on faisait un podcast. Là. Ben non, c'est ça, ils ne savent pas. T'sais, la magie est ici. Et puis, sinon, hier, j'ai été hier mercredi le... Oui. Le 27. Le 27. Le 26. Le 26. Le 26. J'ai été faire une présentation à l'école secondaire de Anjou. Ouais. J'ai été invité, en fait, le conseiller en orientation de l'école secondaire d'Anjou a communiqué avec Retro-MTL pour savoir si on était intéressé à aller sur place pour faire une présentation pour parler de notre parcours entrepreneurial. Alors, j'étais en train de lire Blastman. Ouais, voilà. Il dit qu'il n'a pas besoin de faire une critique. Dom m'a dit juste avant de faire une critique. Fait que c'est pas toi qui vas me dire quoi faire, Blastman. C'est mon boss ici. Non, j'exige que Jeff fasse ça. Je vais le faire et je vais avoir. Hey, je vais y jouer moi aussi. Ouais, on fera une critique ben commune. Oui, on s'amuse avec ça. On va totalement faire ça. Et puis. Spécial Burger Time. Mais juste à la tête. Oui. Juste cette version-là. Puis, fait que bref, c'est ça. Donc, ils ont communiqué avec nous il y a une couple de semaines. Fait que là, le mandat, c'était de préparer une présentation d'une demi-heure que j'allais faire quatre fois dans la journée. Ah boy, OK. Deux fois le matin, on dîne, puis deux fois l'après-midi devant quatre groupes différents, des groupes de 30 environ. Et puis, c'est les une classe, là. C'est... Une classe d'école. Ouais. J'étais dans une classe de sciences, là, avec des petites planètes au plafond, puis tout, là. Et puis, on était choisis. Moi, je suis. En fait, je ne sais pas si le monde qui était là m'ont vraiment choisi parce que des fois, les jeunes. Leur troisième choix, ils héritent de ça. Puis là, c'est comme, OK, on va aller voir le petit gars avec ses jeux vidéo. Mais. Ben, peut-être faire des jeux vidéo, ça peut intéresser beaucoup de monde aussi. Là, mais beaucoup de jeunes, mais. Oui, mais j'ouvrais la chose en disant que j'allais pas parler de jeux vidéo parce que je suis là pour parler de mon parcours. Je parle juste de Télévoice. Exact. Puis là, j'ai fait ça. Puis pour vrai, ça m'a stressé. Moi, pendant toutes ces trois semaines-là, comme j'étais stressé de cet événement-là. C'est sûr, là, c'est une oration publique. Là. Ben, c'est ça. Puis il faut que je le rédige, là, tu sais. Fait que moi, j'ai fait ça avec ChatGPT, que je côtoie tous les jours. Oh, ouais, moi aussi. J'y ai dit ma vie par segment. Puis là, il a mis ça sur papier électronique. Puis là, je relis, puis je leur dis, puis là, je peaufine. Puis à la fin, on est arrivé avec de quoi de pas mal propre. Et puis, c'est drôle de même que j'ai fait ça. Je suis content, tu utilises très bien le AI. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses ça. Ben, c'est mon assistant professionnel hyper intelligent. Alors, c'est très utile. Et puis, j'étais prêt, là. T'sais, une bonne façon de combattre le stress, c'est d'être prêt. Alors, je le savais par cœur, tu sais, quand je suis arrivé. Fait que ça a bien été. Et puis, il y avait T'as-tu genre fait ça devant ta blonde pendant une demi-heure chez vous? Je l'ai fait tout seul dans le vide chez nous. Comme quand tu pratiques un oral au secondaire. Exactement. Je peux-tu, genre, faire mon oral de 5 minutes sur les reptiles? Exactement. Comme quand j'étais petit, ben, là, mon gars, je voulais le faire devant mon plus jeune, tu sais, il voulait rien savoir. Gros malaise sale. Moi aussi, j'aurais été malaisé, faut dire. Puis là, dans ces jeunes-là, il y en avait une couple qui dormait sur leur bureau quand même, là, la tête puis tout. Puis ça, c'est... Il y en a tout le temps, ce qu'on m'a dit. Alors, je trouvais ça bien comique. Puis dans les autres conférenciers qu'il y avait, beaucoup de professeurs, mais ceux-là qui font de l'arpentage, ils arpentent, là. Arpenteur géomètre? Ouais, c'est ça. Il y avait ça, un ingénieur génie civil. Okay. Il y avait un gars du CF Montréal qui était à la vente au marketing du CF Montréal. Une coiffeuse. Une coiffeuse. Avais-tu une Presidia? Ou... J'ai pas vu de Presidia dans le cours, mais il y avait beaucoup de chars. Est-ce que je m'attendrai jamais de ça? Les chars de Kiefer. Les Presidia. Et puis il y avait un pilote d'avion. Puis lui, là, il était ben, ben big. Là. Genre, on était tout en train de dîner. Il était pas arrivé encore. Il signait des autographes. Là, Chris, il a-tu sauvé quelqu'un? Mais en tout cas, c'est bien impressionnant, un pilote d'avion. Puis il était bien fin. Fait que voilà. Alors, c'est très cool, ça. Bravo à l'orienteur d'avoir pensé à vous autres. Là. Ben, pour vrai, oui. C'est... Puis il y a des cours d'entrepreneuriat. C'est un auditeur, secondaire 4. Ben, oui, il connaît la place. Okay. Je sais pas si c'est un auditeur. Ça serait drôle. Mais il y a des cours d'entrepreneuriat au secondaire. Puis ça, j'étais vraiment surpris. Dans cette polyvalente-là, il y en a secondaire 4 et secondaire 5. C'est d'ailleurs, bon, le prof qui me servait de sidekick, c'était le même toute la journée, m'a invité à venir au cours de l'année, peut-être faire un cours avec lui. Fait que je vais voir à ça. Mais là, j'avais été assez stressé de ça. J'avais comme besoin de prendre un petit break avant de me relancer. Y avait-tu bien des questions des jeunes par rapport à ton parcours? Ben, la première batch, non. La deuxième, il y en a eu full. Genre, okay. J'avais de la. Mais, tu sais, comme, ils m'ont pas laissé finir le dernier 10 minutes. Puis là, j'ai comme, OK, ben. Puis là, ils posaient toutes des questions sur l'argent. Tu sais. Les jeunes, c'est l'argent qu'ils veulent savoir en grande partie. Il y en a qui ont des questions intéressantes aussi, mais des échecs, si, ça. Puis là, je me suis dit, OK, pour ma troisième, je vais laisser tomber certains segments. Je vais couper l'équilibre familial là, d'un entrepreneur. Ils s'en calissent. Eux autres, ils n'ont pas d'argent. Je vais parler. Ils n'ont pas d'enfants, mais je vais parler d'argent. Puis là, finalement, c'est allé trop vite. Puis là, il me restait 7 minutes. Puis personne n'avait de questions. Donc, on va jouer à Magon. C'est ça. Alors, voici une slide. Ça, c'est à Magon. Puis là, dans le dernier, ben là, j'ai ajusté un peu. Puis là, j'étais pas pire. Mais ouais, je leur ai tout dit, mon salaire, l'argent, comment ça marche, bref. Fait que je l'ai pas fait, tu sais, moi, ça donne rien techniquement à l'entreprise de faire ça. Là, non, ça mais juste c'est me prendre du temps puis me donner du stress, mais je l'ai fait pour mon développement personnel. Ouais, puis c'est bon pour les jeunes aussi. Tu es comme dans le chat, tu as dit peut-être t'as changé la vie d'un ou deux jeunes là, en faisant ce discours-là. Ben peut-être, en effet, je le souhaite. Il y en a qui fixaient vraiment, là, qui étaient vraiment intéressés. Fait que si j'en ai touché un sur 30, tant mieux, tu sais. Puis tu deviens pas entrepreneur. C'est pas un métier que tu choisis en sortant de l'école secondaire. Non, c'est ça, là, mais je veux que les gens ils sachent que si ça se présente, tu sais, c'est possible. Puis tu sais, moi j'avais rien. Je suis sorti de l'école avec une dette de 12 000. Puis mes parents m'ont rien donné. Puis, j'ai pas eu de cadeau. J'ai pas de local donné par quelqu'un. Moi j'ai rien. J'avais rien. Ouais. Fait que j'avais, comme je disais dans mon truc, j'avais de l'amour parental, tu sais, du support familial. Ma blonde m'a supporté. Mes parents m'ont supporté financièrement quand j'étais sur le chômage. Un moment donné, ils m'aidaient à payer ma bouffe un peu parce que là, j'allais tomber dans la rue. Mais ils m'ont pas donné de l'argent. T'sais. Fait que voilà. Fait que tout est possible. Donc, puis j'ai failli choquer, tu sais. Ouais, ouais. J'ai failli écrire deux semaines avant, dire que j'étais plus disponible. Ah, genre. Ouais. Ben je suis content d'avoir passé au travers, puis d'avoir de m'être forcé, tu sais, puis d'avoir fait ça. Puis je me sens beaucoup bien par rapport à ça. Puis tu sais, les principes d'entrepreneuriat sont applicables dans plusieurs autres genre styles d'entreprise, parce que là, tout le monde va devenir possiblement une brand là, bientôt là, avec l'AI. Oui. Puis genre, les outils sont tellement accessibles que tout le monde peut se développer sa propre brand comme entrepreneur. Fait que t'as peut-être juste donné des principes genre à des jeunes de comment se planifier puis qu'ils vont faire quelque chose de bon avec ça. Là. Ouais, ben, t'as peut-être semé une graine quelque part. Ben peut-être. Man. Je leur ai vraiment parlé de tout aussi. Là, t'sais, vraiment, en tout cas, bref. Toutes les fois, je l'aime passer. Puis... c'est ça. La corde, t'es jamais loin. Puis... je devrais le faire ici. Stie. En deuxième partie, je le fais pendant que je l'ai en tête encore. Je regarde les commentaires dans le chat. C'est bien gentil, tout le monde. C'était pas le commandant Piché, non. Ah, ça aurait été hot. Un dôme de cœur, c'est un homme de cœur. Moi aussi, je suis un dôme. C'est donc bien, ouais. C'est bien. Finger drôle. Cut qui s'est joint. Larry qui dit qu'il donne des conférences à des professionnels. Il y a tout le temps des dizaines de questions. Quand j'ai fait devant les étudiants, il y a toujours zéro question. Faut pas leur en vouloir. On est tout de même d'autres. Ben ouais, ah, ben ça. Oui. Tu sais, les dormeux puis tout même ça. Même si t'es intéressé, tu veux pas être le petit nerd trop intéressé non plus là, qui pose des questions puis qui dérange tout le monde. Il y en avait qui avaient des faces de décolle ici. Là. Ils me regardaient comme si genre, ils étaient comme que batté. Il est en train de me dire. On dirait qu'il me fusillait du regard. Genre, qu'est-ce que tu fais là? Toi? Pourquoi je suis obligé de t'écouter? C'est ça, c'était vraiment ça. Mais il y en avait des petits jeunes dudes là, tu sais, avec les cheveux en brocoli là, ah ouais, mode, la là, bien intense là, tu sais. Puis là ça rentrait, ça faisait du noise au bout, ça va s'asseoir tout de suite au fond en arrière avec les chummies. Puis tu sais que ceux-là ils vont écouter. Ils vont rire, mais quand dans ceux-là, il y en a soudainement qui captaient puis qui écoutaient là, tu sais, j'ai comme yeah man, j'ai réussi à en empoigner un là, tu sais. Combien de références de pénis t'as faites pendant tes zéro là? Ben j'ai pas parlé de pénis. Ça c'est mon logo, on dirait un gros pénis. Comme en fait, si tu regardes bien le logo de Retro MTL, c'est trois pénis, puis il y en a deux qui se touchent. C'est ça la base du design. En fait. C'est ça, c'est tout part de là. Au WEG, il y avait beaucoup de ça aussi. Genre, on dirait un gros pénis hein, tout le temps. Ah, tout le temps, merde. Les niaiseries que je dis. On va y revenir. Ouais. En tout cas. Fait que c'est ça. Ah, je voulais parler de ça. Bien fait d'y aller. Hein. Yes. Bien content. Fait que là, ça m'a. Là, hier, j'étais super léger après ça. Puis là, ben, je tombe malade. Ah, mais ça, c'est le stress qui tombe. C'est toujours genre. Ça. Mais t'as eu, genre, une pression montante. Plus la date arrivait, probablement, plus tu stressais aussi. Exact. Mais j'ai bien managé mon stress, là, pour vrai. J'ai pas fait d'attaque, de panique ou whatever. Là, j'étais quand même zen. Puis je me bon, trouvais, un tract plus qu'un stress. Un tract, mais je me trouvais des façons de... J'y pensais pas. Genre, j'écoutais des podcasts en y allant. Puis j'écoutais House of Dragons la veille pour pas penser à ça. Là, je me suis levé pour aller pisser à 5h du matin. Là, je suis comme, merde, pense pas à ça. Fuck, je suis en train de penser à ça. Puis là, faut que tu te rendes. Ah, moi, je comprends ça. Ah, c'est ça. Je dors pas à cause de ça tout le temps. Là. Ah, ouais. Bon, ben, écoute, tu me donnes le goût de prendre une bière, je pense. On va aller en collection. On s'en va en collection. Non, t'avais rien en intro. Retour de WEG et travail avec du AI beaucoup, là. Puis c'est ça. J'ai rien de spécial là, que je peux parler, là. Bon, ben, tu me donnes le goût de prendre une bière. Donc, on s'en prend une bière, on s'en va en collection. Glevas, qui vient d'arriver dans le chat. Première fois pour lui en live. C'est extraordinaire. On va guesser Guillaume Levasseur. Ah oui, hein? C'est vrai que c'est un Levasseur. Ah, ouais, c'est ça. C'est un autre professeur, ça, qui cache son identité. La fonction publique. Des gens de la fonction publique. Ah, voilà. On est de même. On guesse vos noms, puis c'est ça la moitié du show. T'es très intelligent. Ah, ce ne sera pas la dernière. Domaine qui dit que ça ne sera pas la dernière. Chris, on a de la pression. Là. C'est comme quand tu passes chez Retro MTL, tu ne peux pas acheter, mais si tu passes une fois, tu ne peux pas ne réécouter. Exact. Surtout quand on parle autant de pénis. Ah, ouais, ça fait juste commencer en plus. Là. C'est ça, gars. Les pénis s'en viennent. Ça ne fait que commencer ce soir. Ça va battre au vent, ces battements. <là. rire> Alors, le premier jeu qui s'ajoute à ma collection pour cette semaine, il s'agit de Hell is Other Demons. Donc, Cuddle Monster Games. Écoute, c'est développé par Cuddle Monster Games. C'est un jeu PAL, donc oui. On le voit ici. Tu sais comment j'ai noté ça très rapidement quand tu me l'as envoyé. T'es rendu super bon. Je me fais pipoigner avec ça. C'est un jeu publié physiquement par Super Rare, c'est numéro 83. Alors, Super Rare, qui publie pas rien que des bons jeux, m'a dit, là. Ça, c'est des jeux, tu sais, pas trop deep, là, quand même, actuellement. Ouais. Mais il y en a des très bons là-dedans. Puis ça, on dirait un genre de Battle Arena. Martine, elle a joué, d'ailleurs, elle m'en a parlé. OK. Ça joue en co-op, puis c'est tout le temps dans la même zone. Puis il te pleut des ennemis non-stop. C'est des waves d'ennemis qu'il faut que tu tues, comme on voit à l'écran présentement. Sans se faire toucher, bien sûr, tu peux stomp. Un genre de pogo tirer, attack, stomp les bébites, tu tires partout, tu dashes. Ça a l'air pas mal satisfaisant. Ouais, ça va bien, oui. Fait qu'elle a terminé ça avec une de ses amies en un après-midi. Ah, wow. Alors, ça sera peut-être, on pourra jouer à ça, éventuellement, Jean-François. Ben oui, mais bien sûr. Peut-être chez vous, en pyjama. Pyjama à pattes. Avec la télévision Sprint, là. Puis du Burger Time, puis ça, là. Exactement. Alors, pour acheter ça dans l'usager, il vous en coûtera 45$ environ. C'est le prix qu'il y avait sur Price Charting. J'ai pas vraiment vérifié ailleurs. Donc, c'est vraiment pas si cher. C'est vraiment cher, même pour un jeu de Super Rare, qui souvent sont un tirage tellement limité qu'ils sont plus chers que ça. Ouais, ouais. Alors, peut-être que c'est la vraie marge, j'en ai aucune idée. Mais je l'essaierai, puis on verra bien. Deuxième jeu. Très attendu, celui-là, en version physique, parce qu'il est déjà sorti depuis un bout. Shinobi The 2... on va le dire comme faux, Asti. Shinobi The Art of Vengeance. Alors, c'est le tout dernier Shinobi, qui est sorti, ma foi, un peu en même temps que Ninja Gaiden Ragebound. Ah, c'est vrai, oui. Et puis, moi, je voulais attendre la copie physique, puis il y a eu un fuck-up. Parce que là, ici, chez Retro MTL, nos fournisseurs l'avaient en version... en version import, donc seulement. Et puis là, on commande ça. On ouvre les précommandes, on commence à prendre les précommandes. Puis là, quelques semaines plus tard, Sega, apparemment, dit il n'est pas question qu'il y ait des versions import qui se rendent en Amérique du Nord. Okay. Ça va être Limited Run à la place. Puis là, c'est comme, ça a tout fucké le chien. Puis là, Limited Run, c'était pas prêt. Puis là, ils vont coûter plus cher aussi que les autres. Puis nous autres, on a déjà vendu des précommandes. Fait que ça a été un hostie de fuckaillage, man, random, cette affaire-là. Ouais. Mais c'est finalement arrivé, la version Limited Run, cette semaine, puis on va en avoir des versions japonaises aussi. Je me demande si c'est pas déjà le cas. Fait qu'on aura les deux. La version japonaise est moins chère. Ah, Glovas, si t'avais précommandé, ben ça veut dire que tu vas l'avoir, là. On a communiqué avec toi. Puis Martine, elle a téléphoné personnellement à chaque personne qui avait précommandé la version japonaise pour savoir si vous vouliez payer la différence pour avoir la version Limited Run ou attendre la version japonaise. Ou carrément canceller le tout. Canceller le projet. Alors, Glovas, tu devrais être correct. Là, Martine est supposée avoir communiqué avec toi. Finalement, j'ai fait annuler et j'ai acheté directement chez Limited Run. Ah bon, ben coudonc. Tu viens de perdre une vente. Tu l'aurais eu ici. Ben écoute, on va toutes les vendre anyway. Ça sera pas un problème. Mais merci d'avoir précommandé, en tout cas. Puis quand il y a des fuck-up de même qui arrivent, sachez que c'est aucunement de notre essor. Nous, on peut rien faire. Ah oh, ben, c'est les fournisseurs. C'est les fournisseurs, Esti, puis le Chris de Gossard. T'es quand même dépendant d'eux autres, puis de la poste, puis tout ça. Là. 100%. Et puis, donc, c'est 70$ pour la version Limited Run. Puis ce qui est intéressant aussi, puis Martine avait un bon point par rapport à ça, si finalement la version japonaise a été bloquée en Amérique du Nord pour mettre la Limited Run, ben Chris, ça va peut-être valoir plus cher. Probablement. Mais en même temps, ils en vendent des trillions peut-être au Japon. Fait que peut-être ça ne vaudra pas cher. Des trillions. C'est un marché mondial, tu sais. Ouais. Fait que, on ne sait pas trop. Mais donc, j'ai bien hâte d'essayer ça. Donc, pour revenir au jeu, il paraît que c'est absolument insane. Moi, dans toutes les Shinobi, je les ai pas mal toutes essayées. Puis, il y a juste le 3 ou Genesis que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai trouvé vraiment bon, que j'ai fait au complet. Pour toutes les autres, j'ai... Sur 3DS, man, sur PS2, man, sur Saturn, l'original, j'accroche pas tant, moi, à Shinobi, tu sais. Shadow Dancer, c'était pas pire, mais c'est comme un jeu d'arcade, ça. Fait que... Mais il paraît que ça, c'est vraiment, vraiment bon. Tout le monde qui a joué ont adoré. Puis c'est plus sophistiqué que Ninja Gaiden Ragebound au niveau des upgrades et puis du combat puis tout ça. Alors, ça a l'air très intéressant. Je vais prendre un autre gorgé. Ah, King Wallop, il en parle. Quand il y a une gorgée, le son monte. Là. Ouais, King Wallop qui dit « Le jeu est magnifique. Il y a un petit cité Metroidvania, mais vraiment léger. » On dit très différent des autres Shinobi, mais reste dans le fond d'ADN de Shinobi. Ouais, hein? Ben, je le sentais aussi quand on voit aussi les niveaux qu'on court sur. On est comme à dos de loup, là, avec un background. Ouais. Tu sais, il y avait ça dans Shinobi 3. Fait que je sens qu'en effet, il respecte la vibe. Puis que c'est différent, mais. Ah, ça a l'air parfait, là. J'ai bien hâte d'essayer ça. Le dernier jeu aujourd'hui, un autre jeu Switch, et ça c'est sorti aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un nouveau Bubble. Ah, ce logo-là. Donjon de sucre. Donc, Sugar Dungeons. Et ce qui se passe avec ce Bubble-là... Ah, il joue juste à un, Bob Adventure in a Sweet Dungeon. Exact. Je pense que c'est... T'explores des donjons qui sont... Blue Bubble and to Catch Bully. Bon, c'est la même mécanique que de Bubble. Là. Exactement. Mais dans des donjons, effectivement, ou dans des... C'est Bubble, mais... C'est... plus poussé. Là. Ben, c'est comme des niveaux faits en donjon. Mais tu sais, en même temps, les autres, c'est ça juste aussi. Aller par en haut tout le temps. Mais ça va être ça aussi. Mais là, je pense que tu peux peut-être revenir où que t'étais. Ah, là, peut-être. Puis t'as pass through the. Ouais, ça disait, OK, get a treasure and bring it home. Ah, c'est ça. Tu peux revenir les donjons. C'est ça. Fait que t'explores, dans le fond. Au lieu de faire chaque case une après l'autre, puis c'est fini, ben là, les cases, tu peux y revenir. Mais ça reste un écran fermé par section. C'est fait que c'est pas la grosse affaire. Fait que c'est bon, Bubble. Puis ils jouent juste à un. C'est un peu c'est décevant. Poche, ouais. C'est pareil, ça va pas être dur, c'ti. Puis je me demande si c'est procédural aussi, les donjons, s'ils sont jamais pareils quand tu meurs, tout ça. Go deeper to the dungeon. Mais tu meurs sûrement pas souvent parce que c'est Bubble. Alors, voilà. Ça coûte 60 bubules. Si stage vous changes every time. Fait que oui, c'est procédural. Ah, bon, ben voilà. Bon, ben. Mais je sais pas si je vais aimer ça. Puis, toi, probablement pas. Moi, je voulais que mon fils joue avec moi en plus, mais on pourrait même pas jouer. Peut-être ton fils va jouer tout seul. Ah, peut-être. Mais. Mais c'est pas, ça joue. Pourrait, ça joue ça. Mais achetez-le quand même, ben je suis Retro MTN. Oups. Oups. T'es en train de dire que c'est de la merde. Non, mais pour vrai, on n'a pas commandé beaucoup, là. Je sais pas où en est la franchise Bubble au niveau de la popularité. Mais moi quand il en sort un, je l'achète, whatever. Ouais, ben c'est Bubble. C'est Bubble. Ça reste classique. Là. Alors voilà, je montre un petit peu l'arrière et puis beaucoup de grosses lettres puis crémage. Alors, le crémage. Le crémage. Et c'est tout pour la collection. La bonne musique. Domingue dans le chat, il dit que son Shinobi préféré, c'est Revenge of Shinobi sur Genesis. Moi, je le trouve tellement dur. Mais il faudrait que je lui redonne sa chance. En plus, chez moi, j'ai la copie qui a Batman dedans. Il y a plusieurs variations de ce jeu-là. Il y en a une qui a genre Batman, Spider-Man. Je savais pas. Puis c'est totalement... Après ça, Marvel, ils ont dit, oh, tabarnak, wow, là. Il n'est pas question. Fait qu'ils ont refait des jeux avec ces bonhommes-là dedans. Wow. Mais moi, je l'ai, celui qui a ces bonhommes-là dedans. Puis je me suis dit, je crois le vendeur qui me l'a dit à l'époque, là, parce qu'il était fiable. Je me suis jamais rendu parce que c'est ben trop tough. Mais sinon, il parle aussi que celui sur Game Gear, il l'a bien aimé. C'est vrai, je l'ai fait sur Game Gear Je l'ai trouvé bon. Ça en est un pas pire, ça. Je l'avais fait. Blastman dans le chat, il me demande si j'ai laissé faire Salt and Sacrifice. C'est la suite de Salt and Sanctuary, qui est un genre de Metroidvania très Souls, au sens que quand tu meurs, tu droppes toutes tes astuces d'affaires. Un jeu que je trouve vraiment laid physiquement. Puis, graphiquement plutôt. Ouais. Puis, j'avais arrêté ça tout de suite. Puis là, les auditeurs ont dit, tu devrais y redonner une chance, tu sais. Puis j'ai redonné une chance, puis j'ai accroché. Yeah. Puis j'ai joué 5-6 heures. Puis là, je savais plus où aller. Puis là, j'étais comme tanné. Fait que là, j'ai réarrêté. Alors, au lieu de me prendre Salt and Sacrifice puis de me forcer à faire ça, je vais faire exactement comme j'ai fait avec Freedom Planet. C'est-à-dire, je vais... Au lieu d'acheter le deuxième, je vais vendre le premier puis je vais oublier ces séries-là de ma vie parce que j'ai beaucoup d'autres choses à jouer que ça. C'est clair. J'ai pas envie de me forcer tant que ça pour aimer quelque chose. J'accroche pas. Après 3-4 heures, là, ça suffit. 3-4 heures, c'est quand même beaucoup. Là. Ben oui. Fait que c'est pas pour moi. Mais je sais que c'est un bon jeu puis c'est bien du monde qui aime ça. Puis vous avez raison, mais pour moi, c'est pas la chose. Il dit, SS Frank, que Salt and Sacrifice est moins bon que Salt and Sanctuary. Ah ouais, bon, on manque pas grand-chose. Plein de knowledge. Ouais. Fait que là, on va parler du WEG. Oui! Le Weekend Gaming est un week-end de jeux vidéo où est-ce qu'on va depuis bien des années. Ça existe depuis 10-12 ans. Facile, on fait ça. On loue des chalets deux fois par année avec... cette année, on était 40. Ouais, il y avait beaucoup de monde. Mais entre 25 et 40, notre record, mais autour de 30 d'habitude. Là. Ouais, mettons, ça joue autour de 25-30, mettons, normalement. Là. C'est trois jours de gaming maintenant, du jeudi au dimanche, en fait. Et puis, on bouffe, puis on game, puis c'est ça qu'on fait. On planifie la bouffe d'avance, fait que ta bouffe est fournie. Il y a des wagers qui vont s'occuper de la bouffe. Cette année, on avait même Doritos fourni par Laver le Cher, la seigneurie elle-même qui est descendue de... Monseigneur a pris l'avion. On a lisé un avion royal pour partir de Laver-le-Cher jusqu'à Montréal. Et puis après ça, il s'est fait lifter par un Wagger. Ouais. Puis il voulait fournir les Doritos, chose qu'il a faite, mais il ne pouvait pas les amener dans l'avion. Il les a fait shipper ici via un... comment on appelle les messagers là, des temps médiévaux? Ça doit être pas de missive. Un errand, là. Ah! Oh. C'est quoi? Quelqu'un qui aurait reçu une flèche dans le genou, je sais pas trop. Ah, ouais, c'est ça. Il a envoyé une missive. Il m'a envoyé une missive. Il a envoyé chaque sac par pigeon voyageur de la Verlechère. Pendant que... En fait, c'est des oiseaux migrateurs qui s'en allaient vers le sud. Il y avait chacun un Dorito attaché dans le cou. Chacun transportait un Dorito dans son bec. Une Dorite. Mais bref, il a fait chipper ça ici chez Retro MTL, puis nous autres, on a pick-up le shit, puis on a amené ça là-bas. Puis oui, on a des photos de ça. On se loue des gros chalets de millionnaires, ou des Astor, c'est des chalets corporatifs un peu plus. Là, ouais. Ben, c'est plus le fun, parce qu'on était pendant un bon bout à Canada, à Tremblant, là, puis c'était des unités de chalets, mais là, on voulait plus se rassembler pour gagner. Tout le monde sous le même toit. En fait. Ouais, qu'on n'entende plus rien parce qu'il y a trop de son, là. C'est ce qu'on a fait, on est allé Venise en Québec, on a changé de place. Oui. Moi, j'étais très content que ça me prenne 40 minutes pour revenir chez nous. Là. Ah ouais, la Stie de Rive-Nord avec la Stie de trafic, man. Là. La route de retour est épouvantable du WEG tout le temps. Là, je veux mourir le dimanche. Là. C'est long, man. La Stie, Laval. Brûlé. J'aime pas ça, Laval. Je suis désolé. Il y a peut-être des auditeurs de Laval. Tu as mal au ventre un peu, du café. Là. Ah ouais, t'es pas bien. T'as dormi genre... 10 heures en 3 jours. Exact. Mais là, c'était ça arrive sud, alors c'était beaucoup plus rapide pour la plupart des gens, bien sûr. Fait qu'on a bien aimé ça. Puis, on a des photos à vous présenter. On a plein de photos pour voir des jeux après qu'on a joué, mais là, on a des photos et vidéos. Fait que là, je l'avais segmenté en sections. Fait qu'on va faire. Je pense que j'ai écrit là, combien il y a de photos. Comment ça marche? Tu fais jouer un après l'autre. On va partir, puis suis-moi. Fait que intro, il y a un premier slideshow. Fait qu'on y va! Fait que là, ça, c'est le château lui-même, version hivernale. Il n'y avait pas de la neige comme ça. J'ai pris ça sur Internet. Et puis, c'était très grand, très propre. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est le spa qui était minable. Personne n'est allé. Personne. deux gars chauds à 5h du matin le samedi sont allés. Ah ouais, ouais. Et puis, sinon, une autre affaire que je trouvais un peu glauque, c'est que tout au deuxième étage, c'est là que les gens dormaient. C'était tout séparé en condo. Oui. Et puis, c'était comme un long corridor de serpentard. Ouais, c'était comme les backrooms. C'était peurant, puis c'était long, puis c'était... C'était comme c'était quand même bien insonorisé, fait que c'était, tu rentrais là dans un cocon, t'es comme fuck, c'est weird. Mais il y avait des lits rétractables, là, des lits qu'on collait sur le mur, puis il y avait des high de bed, puis deux hommes par lit dans ces affaires-là. Moi j'étais dans un lit, ouais, un vrai lit avec Nick Chalifou. Avec notre ami Nick Chalifou. Lick Chalifou. Mais pour vrai, j'aurais pas aimé être un dude dans le lit rétractable. Là. Ça avait l'air vraiment coincé là. En tout cas, personne s'est plaint. Ah, mais écoute, si on retourne là au prochain, peut-être qu'on pourrait slacker un peu sur le nombre d'humains pour être plus à l'aise. Oui, là, moi, ça me dérangeait pas de payer 100$ de plus pour avoir plus de confort. Là. Exact. Mais dis, nous autres, notre chambre, c'était genre moi, Bonin, Eli, puis Théroux qui est arrivé avec Monseigneur Neveu. Lui, il est arrivé après, puis genre, Eli dormait déjà, à un moment donné, je sais pas quoi. Puis il savait pas que c'était un divan à lit, genre. Fait, il a dormi sur le fauteuil, là. Ah ouais, lit, il a pas déployé le lit. Déplié le lit. Ah, j'avais pas vu. Ah ouais. Ah, ça m'agane. Ouais. On va aller à la prochaine. Que... On est là, on est dans la section setup, ici. Oui, ça, on a aussi beaucoup de joueurs de cartes. Là, l'Orcana est très à la mode présentement. Fait que ça joue peu à Magic, mais beaucoup à l'Orcana. Là. Très longue table là, pour manger et jouer aux cartes pour les jeux de cartes ou même jouer au poker. Là. Il y a eu des games de poker. Oui, il y a eu un poker. Il y a d'autres activités aussi. Dégustation de bière, des fois, poker. Ouais. Là, il y avait des visionnements dans le grand cinéma. Ah oui, il y a un regardage de films, ouais, en effet. Là, ici, on a le point central du gaming, là, où est-ce qu'il y avait la cacophonie la plus folle que j'ai jamais entendue. Là. Parce que toutes ces TV-là sont faites pour... Les speakers sont en arrière, la TV, pour bandir sur le mur puis revenir. Fait que t'entendais jamais ton son, mais t'avais le son des autres qui te revenaient dessus. Là, tu vas prendre des barres de son, tout le monde en dessous. Là, c'est vrai. En plus, il y en a tout le temps un tabarnak, souvent Eli qui met le son plus fort là, parce qu'il veut du son. Puis là, tout le monde est obligé de craquer son, puis là, mettre tout ça. Eli, c'est genre, c'est de l'Atari, là, comme gang. Eli qui tabarnak le son. Mais il y avait des tables pliantes sur place, là, et puis on s'était fait un très très beau setup. La grosse télé avec ta petite tête qui dépasse. Ouais, on voit à droite, là, c'est moi, là. Avec le couch, là, c'était vraiment le spot le plus hot. On était bien là-dedans. On a fait des gros projets l'après-midi. Du gros Atari là-dessus, là, c'était très plaisant. Ça faisait rêver. Ouais. Après ça, on s'en va dans la bouffe ici. Ah ben ça, notre cuisinier en chef, c'est surtout lui qui s'occupe tout le temps de ça. Ouais. De gérer un peu les repas, qui sont tout le temps les mêmes, des fois à variation. Variation 2, mais on a une bonne rotation là, qui est assez facile pour tout le monde. Puis depuis une couple d'éditions, on a décidé pour la première soirée de jeudi, parce qu'on veut pas cooker, de faire livrer de la pizza ou de la pizza locale. C'est très gagnant ça. C'est très gagnant. Là. Comme ça, on n'a pas besoin de se faire chier. Et puis, il fait tout le temps un flyer comme ça, puis c'est tout le temps la bouffe. Il y a un gros texte là, de genre funky de repas. Il nous pond tout le temps un gros texte. Qui va avec, ce qui n'est pas généré par du AI, parce qu'il n'y a pas d'AI qui peut générer ça. Là. Exact. Non, c'est très cool. Donc, on voit ici les Dorites, là, les Dorites seigneuriales. Bien exposées, très à l'ordre, tout ça. À côté des cierges, là, dans le fond. Là. C'est vrai, il y avait des cierges. Fait que là, on parlait de la pizza, fait que j'ouvre. Ah, ben, c'est la pizza locale. J'ai oublié le nom de la... Mais il n'y a rien qu'une pizzeria là-bas, anyway, à Venise, en Québec. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Puis c'était de la bonne pizza de région, là. Bien épaisse. Bien grasse. Bien grasse, bien touffue. Ça a fait de la job à maudit, là. Avec des grosses frites, là, du Costco. C'était bien correct. Ouais, ces grosses frites-là. Ah, ben, les v'là. Avec une belle Hochelaga Pale Ale qu'on gardait en réserve pour l'événement. Et du ketchup Heinz, vous savez. Oui. Alors ici, on avait, je n'ai pas pris de ça, j'ai même pas vu qu'il y avait ça, là, mais des petits chocolats à l'alcool. Là. Oui, des petites bouteilles de chocolat remplies d'alcool fort. On a plusieurs sortes. Je me suis pris un pour déjeuner là, samedi, ça a été mon déjeuner. Et puis, j'ai mangé une banane après. Et puis ça, c'est parfait pour le temps des fêtes, ces affaires-là. Là. Nous autres, on trouve ça bien populaire. Moi, j'aime ça. Là. Je mange le fond, puis là, je me le prends en shooter, puis là, je croque le reste. C'est ça qu'il faut faire. J'aime bien cette photo aussi de déjeuner. C'est ce que mon estomac se disait aussi, ce qui était écrit dessus, il y a un gros tabarnak. Là. Mais c'était un wrap déjeuner qui contenait des œufs, du bacon, une saucisse en deux, puis une patate hash brown. Genre, puis exact. Je sais pas si j'oublie de quoi. Vous voyez un déjeuner construction, mais dans un wrap. Dans un wrap qui te fait une boule dans le fond de l'estomac direct. Hey, man, un demi de ça. Chris, j'étais plein. Boire de l'eau. Là, mais samedi soir, il faut boire de l'eau. Puis samedi soir, il y a du fromage aussi là-dedans, c'est gratiné. Ouais. Puis le samedi soir, tu sais, il en restait deux de ça, puis on laisse tout le temps la bouffe d'extra sur le comptoir, là. Puis là, il était rendu 1h du matin, puis je passais devant ça aller-retour, puis je pisse aux secondes. Là, Chris, j'en pouvais plus, je me suis mis à manger ces affaires-là. Ah, puis Chris, après ça, t'es avec moi à 2h du matin, genre Olivier qui vient nous voir. Est-ce quelqu'un qui veut des hot dogs Michigan? Puis tout le monde prend un hot dog Michigan, puis les deux, on est comme. Ah, t'aurais jamais dû faire ça. Hey, j'étais couché après ça, j'ai ah, c'est mon ventre. Ah, ouais, moi, j'étais tellement mal. Mais j'avais faim, en tout cas. Ouais, oui, mais c'est des mauvaises idées. Voilà. Ah ben ça, c'est la grande hot dogueria du Wagger. Donc, en plus, le cook, il a slicé un petit peu les saucisses hot dog pour les faire mariner. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Les saucisses hot dog. Puis on avait une cuisine dehors aussi, fait qu'il s'est fait du cooking dehors, c'était bien ouais, pratique. Ouais, on a été induit en erreur par les photos, là, parce qu'ils ont comme, il y a une plancha, puis on arrive, ah, c'est un grill, c'est pas une plancha, genre, c'est des... Ah ouais, puis il y avait pas de plancha partout. Non, parce qu'ils ont regardé, puis c'est genre, ah, il y a une plancha, non, c'est le couvercle du grill que vous avez vu, là. Ok! Mais là, j'étais comme, good, j'amène pas de bacon, j'amène pas de plancha, genre, je suis là, le prochain coup, on m'a ramené la plancha, c'est correct, là, mais... Ben, écoute. Mais on a acheté du bacon du Costco. C'est correct aussi. Là. Ben oui, c'est quand même beaucoup de job. Il est bon, mon bacon, mais ouais, c'est de la job. Là, ouais, c'est de la job en tabarnak. C'était pour 40 personnes. Il faudrait que je slice genre 7-8 slabs de bacon avec mon slicer. genre Star Frites là, qui est pas super top. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais c'était des bons hot dogs. Moi, le super hot dog, j'aime bien ça. Ah, moi aussi. C'est bien, ça fait déjà. Ouais, un super spaghetti aussi, j'aime bien ça. Oui, on a un super spaghetti le samedi soir. Ah, il y avait de la musique italienne comme si on était dans un Pacini, c'était malade. Oui, on met tout le temps. Puis de la musique mexicaine quand il y avait des nachos. Pas des nachos, mais des rap. Parce qu'il y avait un système central de musique dans ce chalet-là. Puis tu peux plugger ton Spotify puis aller te connecter là-dessus puis genre gérer tout. Là, ouais, ça c'était bien fait. On s'en va dans le gaming, Dom. Oui. On a quelques slides de gaming, on a 4 slides de gaming puis bien des vidéos après ça. Ouais, là les gars, ils ont joué un peu à Fortnite dans le cinéma maison. Ouais, il y avait un cinéma maison dans le chalet là. Ah ouais, puis énorme, puis moi j'avais peur qu'on soit un peu pas bien au niveau des fauteuils qui soient loin les uns des autres. Mais on était très confortable dans les fauteuils, puis finalement c'était chaleureux quand même, tu sais, on était proche. Puis pas proche. Il y a peut-être quoi, 12 places peut-être, 12-15 places? Ah oh, ouais, là, quand même. Là. Et puis c'est ça, il s'est joué des games d'un peu n'importe quoi là-dedans. Puis on écoutait le hockey aussi. Oui. Là. Chris, que c'était le fun d'écouter le hockey. Ouais, bon, pas des bonnes games, mais c'était le début de la game de merde. Si, ouais, bon, on a vu quelqu'un se faire casser les dents avec une rondelle, là, au moins. Là. Au moins. Ah, oh, t'es vraiment cruel. Mais oui, il y a eu plein d'affaires qui se sont passées dans ce beau cinéma-là. Là. Ouais. Bon, ça, on va en parler tantôt, là, parce que c'est une image que je t'ai envoyée. Pendant que t'étais dans le cinéma, tu faisais de quoi, puis je t'ai envoyé ça, puis je t'ai juste écrit, genre, ceci n'a pas d'allure. Exact. C'est tout, là. Pour le monde qui voit pas, c'est... Suburban Commando avec Hulk Hogan, là. C'est le film d'Hulk Hogan. Ouais, Commando suprême, en français. Je vais te montrer du gameplay tantôt. Fait que, oui, on va parler de ça plus tard. Parce que oui, on est allé très loin, jusque dans le MS-DOS, puis ces affaires-là, là. Ça ici, c'est moi, puis Olivier Clos qui a terminé Jackal, Onnes, et puis j'allais dire Jackal. Jackal, Onnes, sur la Toshibouret, que je suis pas sûr que je vais ramener encore la prochaine fois. Là. Ça me prendrait de quoi de moins lourd, man. C'est vraiment chiant. Je l'ai même pas réinstallé chez nous. Ça vaut-tu vraiment la peine, à cette heure, avec genre, la Nook Pocket? Non, puis... c'est ça. T'sais, mais c'est pratique, mais on pourrait faire plus facile. On va faire la télévision à la place, la Atari. Exactement. Après ça, il en reste une ici, voilà. Ça, c'est des belles manettes d'Atari VCS, là, la console moderne d'Atari que personne n'utilise. Que le stick fait aussi un spinner, là, paddle en même temps. Là. Ah, c'est magnifique. Puis Ellie, il les a sortis, puis là, on était tous bandés. On se disait, on va syncer ça dans la console, puis là, on va jouer à tous ces émulateurs d'Atari-là avec ces nouvelles, modernes, vieilles manettes d'Atari. Il n'y a rien que tout ça qui a marché. Ben non, c'est une des déceptions. Man. Parce qu'il y avait fait... Il y avait genre 8 terabytes de jeux sur des disques durs. Puis il y avait comme patenté une affaire de genre... Que tu avais tous les jeux de toutes les consoles de ce genre-là rétro. Puis tu peux aller juste... Clique dessus, il download le jeu. Puis tu pars la ROM direct. Là. Ouais. Fait qu'on a pu explorer beaucoup. Mais oui, effectivement, ça aurait été le fun d'avoir les vraies manettes qui marchent. Là. Ah, ça n'a pas marché. Même. Ça n'a pas assez proche. C'est un bel effort. On a essayé. Mais ces manettes-là sont incroyables. Il y avait peut-être trop de Bluetooth qui se connectait aussi. Est-ce qu'il y avait du stock Bluetooth peu partout? Là? Non, c'est clair qu'on a pogné des radiations. Voilà. Ça, c'est une vidéo d'un jeu que j'ai commandé après qu'on ait joué. C'est Fate, comme dans la foi. Ouais, ouais. Et puis, c'est un genre de jeu 8-bit, Mortis. 16-bit, très, très fucked up, man. Là. C'est épeurant. C'est simple au niveau du look. C'est très, très, très... super minimaliste. Rudimentaire, minimaliste. Mais man, l'ambiance, la vibe de ça, là, c'est fucké en tabarnak. T'es un genre de prêtre, là, puis c'est tout est démoniaque autour, puis il faut que tu... Je sais pas, je sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Là, on n'a pas le son du vidéo parce que je voulais pas nous enterrer, mais dans la vidéo que tu m'as envoyé de ça, c'est, t'entends juste « Mon Dieu, le crucifix! Mon Dieu, le crucifix! » Ah, c'est ça! C'est pour vrai, là, Jim dans le chat, il dit « Ça a tellement l'air bon. » Je l'ai commandé, je vais en faire la critique, c'est sûr. Ah moi, ouais, nice. Moi, j'ai pogné de quoi, là, comme j'ai... Tout le monde était dans le cinéma en train de checker cette game-là du gars qui jouait, puis on était dedans, là. Ah ouais, c'était clair, vraiment là, bien c'est fait. Clair, là. Ah, il y a eu des grosses games de Bomb Jack à l'arcade aussi parce que notre ami Zef a amené son arcade, son Candy Cab. Puis on a eu du fun avec ça, là, sérieux. Tout le monde a fixé sur les games de Bomb Jack. J'ai même pas joué, moi. Moi non plus. Et puis, il y a Mighty Bomb Jack qui existe au NES. C'est une version pas tant pareille que la version arcade, là, mais c'est le même principe, là, si je peux dire. Mais on a joué aussi sur ce cabinet-là. Puis ouais, en plus, l'écran se retourne. Fait qu'il l'a retourné. On a schmoppé une coupe de schmopp, peut-être moi. Là, exactement. Très plaisant. Là. C'était vraiment nice. Et puis ça, c'est Jeff qui on joue. On voit dans le reflet, toi, puis moi, là, en ce moment. Là, oui, là, c'est vrai. Bonin aussi, là, à gauche. Là, mais c'est moi qui joue à Lady in Wadding. Exact. Lady in Wadding, le jeu Atari est sexuel qui fait voilà. Partie du lore du Papa Cassette Podcast. Où est-ce que tu dois construire un pont pour te rendre jusqu'à un gars qui est bien échafeté en haut, le pénis qui se fait aller dans les airs en rebondi. Là. Exact. T'as des gréments qui tombent du plafond, ben, du ciel en fait. T'as des petites bébites qu'il faut que tu sautes. Des croqueuses de cul. Oui, puis quand t'arrives en haut, faut que tu swings en haut en bas la manette pour avoir des relations sexuelles. Là. Exact. Ouais, ça a coupé très sec. Là. Ça a coupé, puis c'est ça, j'ai arrêté de tourner. Drette, quand tu commençais à avoir des relations, je sais pas pourquoi, je pense que la chienne m'a pas eu. On va se faire bloquer. On va se faire bloquer quelque chose. Là, c'est pas... Mais on a finalement joué à Lady in Wadding pour vrai. Là. Exact. C'est bien con ce jeu. Ouais, c'est con, mais j'adore. Ah ouais, ben c'est un jeu sexuel de Mystic Games. Là. Ils en ont vraiment fait beaucoup. Puis tu sais, quand tu meurs, tu tombes dans l'eau en dessous, puis l'eau, elle devient plein de sang. Ah ouais, c'est vraiment drôle. Oublie pas de faire en haut en bas pour le fourrage. Là. Oui, non, on l'entend pas, mais c'est des beaux commentaires de gaucho à 2h de l'après-midi. Ouais, c'est ça. À 2h de l'après-midi. Avec ce son-là dans le tapis. Bip! Ah, le fourrage. Oublie pas de faire en haut, en bas le fourrage. C'est glorieux. Des beaux moments. Ça aussi, c'est assez glorieux par contre. Hey, ça, là, c'était à vitesse normale hein, en passant. Là. Ouais, c'était Étienne qui jouait à ça. Là. Mais je sais même pas c'est quoi. C'est un jeu de 7008. Je pense que c'était... Je me rappelle plus ce que c'est. Ça n'a aucun sens, ça. Ça n'a aucun. On capotait, man. Mais c'est un jeu Atari 7008, mais je me rappelle plus c'est lequel. Oui, il y a eu un petit peu de Battletoads parce que PA, donc Palace, donc il était là puis il dit moi, il dit GF, il dit je vais être ton helper, on fait Battletoads. Je suis comme dude, on va chier. Ce n'est pas possible. On fait pas Battletoads. C'est un jeu qui est brisé, genre. Non, dans le cadre de le passer, je suis comme ok, t'as jamais joué à Battletoads et ça paraît. Ah, il avait jamais joué. Non, fait que là, je viens, m'a te montrer, m'a t'amener au Turbo Tunnel, m'a le faire devant toi, puis après ça, tu joues. Puis il a joué, puis je pense qu'il y a une demi. Tu sais, je me suis levé, puis je me suis poussé, là, après ça. C'est ça. Mais lui, il a joué une demi-heure, puis il a fait qu'on va oublier ça, là. C'est pas. On joue à d'autres choses, je suis comme ouais, on joue à d'autres choses. Ah ouais, ouais. Ben, c'est qui jouait, là? C'était Monseigneur Neveu, ça. Oh, le même, ouais, c'est lui qui a joué avec à ma place. Quand ouais, c'est non, ça. Moi, j'ai déjà donné Battletoads. Il a travaillé fort. Il l'a fait. Ils ont passé le Turbo Tunnel, qui en passant n'est dit. N'est pas le contrairement plus dur. À ce qu'Internet dit, c'est pas le bout le plus dur c'est du jeu. C'est un bout du difficile, tout, mais il est très passable. Ben oui, ça c'est comme l'eau dans les Turtles 1. Là, ouais, ouais, ouais. C'est pas dur. Là. Ben puis ça, c'est plus, énormément plus dur que l'eau des Turtles 1. Oui, mais tu finis par l'apprendre. Puis, mais c'est over. Il y a un warp aussi à la fin, dans la section, dans le dixième mur, tu rentres dedans puis tu warps un autre niveau plus loin. Là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ben Chris, c'est la tricherie. La tricherie. Ah, il y a plein de warps un peu weird dans ce jeu-là, mais ouais, Battletoads. Ah. Dernière vidéo ici. Je me rappelle même pas c'est quoi ce jeu. Non plus. Fait que... Mais je trouvais ça beau, ce petit bonhomme-là. Ça qui ressemble court. À. Ouais, 3D, dans World ça... Runner ou non, Space mais... Harrier. C'est pas la Sonic aussi, tu cours de même. C'est dans quoi tu cours de même? Ah, yeah, ben, c'est un style, hein, le courage de même. Ouais, mais je disais que des tales de comme ça, là, en quadrille. Ben, Sonic a des affaires de même. Ouais, là, des modes bonus, là. Ouais. Mais ça, je me rappelle pas, man. C'est un jeu de Turbo Graphics 16 pis tout, mais je trouvais quand même ça très beau. Là. Oui, c'est beau. Là. C'est une vieille affaire, ça, là, pis en fait, je me rappelle plus. On a-tu joué de la cochonnerie? C'est clair. Parlant de vieilles affaires, Dom. Oui. Puis parlant de Palace aussi, il a amené quelque chose de fantastique, Palace. Il a appelé ça oui. Palados, donc il y a un 486, un vieux PC, puis qu'il code des jeux là-dedans. Il roule des jeux, mais dans une machine originale ou dans un émulateur. Là. C'est ça. Puis il y avait des disquettes, on dit 3D World Runner tantôt. Dans ouais, ben au NES, ils ont appelé ça 3D World Runner, en effet. Je sais pas si c'est lui. Fait que ça doit être la même affaire, mais sur une console plus performante. Mais bref, c'est ce que PA avait amené là, ici. Là. Oui, puis c'est, moi, j'ai pris ça en photo. Tu sais, personne n'a touché à ça. C'était devenu non, comme un bibelot, quasiment. Il y a des gens qui ont joué avec lui, là, des affaires, là, mais personne n'a codé là-dessus. Là, ah non, mais juste, tu sais, pour moi, des affaires de même qui traînent sur une table. Ah, c'est beau. Tu sais, tu passes, tu vas pisser, t'es chaud. Il y avait pas une... Tu passes devant ça, puis c'est des belles natures mortes. Il y avait une manette de Megaman dans le coin, même pas déballée à Ellie. Ah, ouais. Ah, j'aime ça parce que c'est beau. Okay. C'est ça. Mais pour vrai, avoir de la place, là, moi, j'en amènerais des affaires, oui, de la déco. Rien que pour être entouré de belles choses, tu sais. C'est ça qu'il faudrait pour le décor aussi, pour être dans du blanc. Exact. Ouais, ça viendra. À un moment donné. Mais ouais, fait que des disquettes, des belles manettes Gravis, pour ceux qui ont eu des PC dans la fin des années 90, ont tous eu cette manette-là. Cette manette-là était tellement populaire. J'ai joué à NHL 97 avec ça, au PC. Ah oui. Fait que voilà, fait que c'est PA qui fait du MS-DOS, puis des affaires qui gossent là-dessus. Fait qu'il avait amené ça, c'était le fun. C'était le fun, mais c'est rare qu'il y ait du nouveau stock de ce genre-là aussi au WEG, parce qu'on a fait le tour de... beaucoup de choses avec les années, là. Ouais, ouais, vraiment. Dur qu'on soit impressionné maintenant. Oui. La prochaine section s'appelle les gens. Fait que là, on a fait le gaming, on va aller voir les gens, dans le fond, là. Fait que voilà. Toi, moi, Étienne, Ellie, qui est heureux d'être content. Oui. Mr. Neveu dans le coin. Là. Monsieur Neveu, qui est en train de sûrement de contrôler la masse, contrôler la plèbe à distance pour pas que... Checker si son staff travaille là, c'est ça. À la verloche. Pour pas que les sous-fifres de son royaume prennent le dessus sur le château en son absence. Ça, c'est moi avec Michael ici qui avait son rutilant chandail de Just Another High Strung Prima Donna from Atari. Une quote légendaire du boss en chef de Atari de l'époque qui disait que tous les programmeurs étaient des primadonnas gelés. Et puis, Dieu sait que c'est pas une chose à dire à tes employés. Puis ça avait mis tout le monde en tabarnak. Même si c'est vrai. Encore plus. C'est vrai, mais en même temps, ils fournissaient le travail. Ah oh, oui, ben oui. Fait qu'ils ont fait un chandail, puis c'est magnifique. Et Michael travaille pour Atari, donc ça aussi, c'est magnifique. Ça, Michael qui travaille chez Atari, moi, c'est une des plus belles affaires au monde. Ça, c'est la bière qu'on avait eue en cadeau, qu'on a dit qu'on allait boire. Alors, c'est chose faite. C'est moi après ma sieste, ça. Puis PA avec les cheveux en arrière qui joue à Battletoads. Qui joue à Battletoads avec une... On voit un bout de mon sac. Ben oui, c'était très bonne, cette bière. J'ai failli la coller ça à terre, par exemple, après ça. Là, genre, je me suis enfargé dans la table en voulant aller chercher de quoi. Ah ouais. Hein? Tout a revolé, là. Écoute. Les choses qui arrivent, là. Mais oui, c'était très bien. C'était un beau moment. Ça aussi, c'était un beau moment. Ça, c'est moi puis mon seigneur neveu qui on dirait qu'on vient de finir de fourrer. Ça très drôle. C'est pas la meilleure photo. J'ai l'air d'avoir 8 mentons, là, tu sais. Mais écoute, je suis pas gêné. Il faut montrer des belles affaires. Ben oui. Et là, ça, j'ai pas demandé à personne. Je fais juste montrer les gens. Ben, mais il y a rien de compromettant. C'est la session de la Porte Rouge, donc la session de gambling. Qu'on voulait faire dans le cinéma, finalement, ça n'a pas eu lieu. Je l'ai fait sur l'ordi à Ellie. On a gagné 680$, mesdames et messieurs. Pour vrai? Ouais, on a cash out 500$, donc on a eu 100$ chacun. C'était débile, mon gars. On a eu deux back-à-back bonus. On joue à Crazy Time sur le site de l'Auto-Québec. Fait que c'est genre, c'est une roue qui spin, genre, c'est d'animation. Puis tu mets sur qu'est-ce qui tombe sur la roue, puis t'as des jeux bonus, puis là, tu peux avoir des multiplicateurs. Nous, on mettait des 2$, fait un peu partout. On a pogné 75x, fait que c'est 75 fois ta mise. Fait on avait 2$, fait qu'on a fait 150. On a monté à 3, on a pogné un autre jeu bonus, on a fait 150x. On est monté à 600 à quelques. Là, on a fait wow, genre, on cache out parce qu'on va tout perdre, là. C'est sûr qu'on perd tout. Fait qu'on a pris 100$ chacun. Bonnet embarqué, puis on a tout perdu de reste quand bonnet embarqué. C'est de sa faute. Espèce de lutin de malheur. C'est ça. Mais non, là, c'était bien. Fait qu'on a, genre, j'ai payé mon repas, tous mes repas du week-end avec l'argent de la Porte Rouge. C'est malade. C'est toi, c'est le gambling, ça te suit. Mais qui, dans le chat, il y a quelqu'un. Ah, c'est pas dans un autre chat. André, il dit qui gérait la Porte Rouge. Genre, c'est comme ça, JF. C'est pour ça que vous avez gagné, c'était pas Martin. Exact. Fait qu'on a réussi à gagner un petit peu d'argent. C'était bien. C'est malade. Et ça, c'est le hockey dans... Ouais, j'ai filmé un peu de ce quoi ça avait de l'air. Je l'ai filmé à l'extérieur aussi. Tu vois, la porte là, qu'on voit un peu à droite, ben juste ça, suite à droite, c'est le cube. Ouais, à gauche, c'est la cuisine. À droite, c'est le cube. Et où est-ce qu'il y avait la borne à Zef, là? Ouais. Fait que, puis la borne à Zef d'arcade, moi, je voulais qu'elle soit dingue, tu sais, parce que je voulais que tout le monde soit proche de tout le monde tout le temps, tu sais. Je voulais pas qu'elle soit dans un coin où il y avait de la place. Personne cool. serait allé s'asseoir. Parce qu'il y avait un genre de bar, là, où est-ce que, ben, sur un. Ouais, le long d'un mur. Le long d'un mur, il y avait un genre de mini bar, puis le monde avec leur PC était là, fait que tout le monde avait de la place, c'était cool. C'est vrai. Voilà. Et il reste la fin d'homme. Donc, c'est comme ça que ça se termine. Un c'est week-end vrai. Gaming à chaque fois. On fait une poignée de main comme au hockey, comme au hockey mineur. Ben, comme au hockey tout court, où est-ce qu'on dit bonne game, et puis on salue les gens, et puis on se dit on se rappelle des beaux moments. Et puis, c'est la fin. Et puis, après ça, commence la Grande Dépression. Là. Ouais. Jamais bien loin, cette Grande Dépression. Mais la poignée de main, comme ça, c'est bien. La photo. La photo est juste avant. Ah oui, on l'a. On fait une photo que je vais vous montrer maintenant. Puis après ça, on fait la poignée de main. Et là, tout le monde décalisse. Là, mais exact. La photo finale, donc, il y en manque tout le temps une couple qui sont partis. Il en manque une couple qui doivent partir tôt. Mais il en manquait pas bien, bien. Non, quand même, on est tous là. On est, toi, puis moi, on est à droite de la poutre. Là, donc, en ligne avec Élie, puis moi, et toi, et tout le monde. Exact. Monsieur Neveu, donc, la belle gang. Beaucoup Étienne qui s'est assis sur une chaise comme s'il était l'espèce de parrain dangereux. Il avait mal au dos, Étienne. Ah, je sais. Mais c'est le parrain, là. Ouais. Comme s'il était. Tu sais, c'était. On voit Kevin. Tout le monde est là-dessus. Grétis, Chalifo et Lonnie. C'est une belle, belle gang, là, comme on dit dans le chat. Là. Il manque Bruno. Là. Il était parti bientôt. Il fallait qu'il revienne. Il en manque pas gros, là, quand même. Là. Manque Bonin, il était parti tôt aussi. Là. Lui était très loin à Joliette. Là, fait que... En effet, c'est vrai, c'est vrai. Donc, belle fin de semaine de bière, boisson et de jeux vidéo et de manger beaucoup de bouffe et d'avoir mal au ventre. Ah, j'ai aimé, c'était là. Il était sa photo, là. Il était sa photo, là. Vous reculerez dans la vidéo puis vous allez le trouver, là. On l'a pas vu dans les photos, mais Fred était beaucoup sur le PC Gaming. Il jouait à Ark Raider, ça. Ouais, Ark Raider. Ark Raider, ça a été big, ça, pendant la fin de semaine. Fred était beaucoup là-dessus, plus que sur les vieilles consoles. Fait que c'est pour ça qu'il était pas dans les photos. Moi, j'étais plus avec toi, puis avec Ellie, puis Bonin, puis ce coin-là de rétro, puis de jeux de PC. Là. Exact. On a exploré beaucoup de choses. On va vous parler d'ailleurs. Ben oui, on a chacun une petite liste là, d'à peu près une dizaine de jeux. T'en as 9, j'en ai 11. Fait que je vais commencer premier, puis j'en ai un que j'en ai deux en même temps. Fait que ça va se balancer comme ça, je pense. Ben parfait. Fait qu'on y va. Je vais juste mettre de mon bord la liste, moi aussi. Fait que ça va être une rafale de jeux. On va vous présenter quelques jeux. Il y a plein d'affaires que j'ai joué que j'ai pas mis aussi. Là, moi aussi, plein. Que je me rappelle plus. Là. Moi avec. Ben, puis toutes les schmops qu'on a faites, on les a pas mis. Là, non, c'est ça. Une couple de fois que du monde me demandait, Jeff, à quoi tu joues? J'étais comme, j'ai aucune idée. Je sais pas, quelqu'un m'a mis une manette dans les mains et je joue à quelque chose, je sais pas. Ok, fait que premièrement pour moi, Schematic Void, j'ai joué à ça sur PC. Donc, Schematic Void, c'est un jeu de puzzle. Ils disent, j'ai été voir sur la description du jeu, c'est un anti-horreur game. Fait que c'est un peu la twist sur les jeux, genre un peu qui sont self-aware, qui sont conscients, puis c'est le démon en arrière qui veut comme te fucker ta machine. Mais là, c'est genre, c'est doux pis c'est drôle. Fait que c'est des puzzles. Sur une feuille quadrillée d'un ingénieur qui a pas fini ses plans, mettons, mais genre, tu peux tourner les dessins 2D en 3D. Ben oui. Puis là, à un moment donné, tu peux genre trouver des outils, fait que tu peux aller zoomer à des places, tu trouves un crayon, tu graphines sur la feuille, il y a des affaires qui apparaissent, tu peux aller prendre un tournevis. Fait que c'est un genre de jeu de puzzle, là. Metroidvania, faut que tu reviennes. Puis à un moment donné, genre, la sélection de level est cassée, fait qu'il y a des affaires un peu, tu sais, méta dans le jeu, là, fait que c'est un gros jeu de puzzle, vraiment le fun. Ça nous a pris, moi puis Ellie, une heure et demie, deux heures, probablement, parce que ça, on a eu plein de plaisir à jouer à ça, c'était vraiment le fun, là. Ça s'appelle vraiment... Schematic Void, c'est disponible sur PC. Intéressant. Ça en prend des petits jeux de même pendant le WEG aussi, des quick wins. Ouais, ben c'est ça. Là. Pas juste des grosses aventures tough, là. Puis tu sais, Ellie est tout le temps dans ce genre de jeu-là, puis moi, je tombe tout le temps avec Ellie dans ce genre d'affaires-là, j'aime ça, parce que c'est tu sais, les jeux, le AAA tough, je peux jouer chez nous, là. Ça, je jouerais pas ça chez nous, genre. C'est ça. On va aller sur tes affaires. Ah oui, hein. Ça, j'ai fait Guerrilla War avec Martine. Sur NES, j'avais jamais joué et puis ben j'avais juste joué un peu, mais de ce que je me souvenais aussi, c'est qu'il y avait toujours des continues. Mais c'est pas tout à fait vrai. OK. Ben parce que on a joué puis on était rendu à la fin, d'un coup on est comme tombé game over. On pensait qu'il y avait tout le temps c'est un jeu d'arcade ça à la base. On pensait que c'était infini, puis finalement ça l'était fucking pas. Mais là, on est tombé game over puis là, on a capoté. Là ça dit continue, je suis comme oh Dieu merci, on est rendu à la fin en plus, ça s'il fallait qu'on meure. On faisait pas tant attention, quand tu sais que tu penses que t'as toujours des continues. Fait que bref, c'est un jeu à la commando. Là, tu rentres dans le tas, tu tires tout le monde, tu pognes des tanks, t'as des upgrades de guns. C'est un petit jeu NES, ça, vraiment pas cher. Puis, on a eu bien du fun, pour vrai. Ayez ça dans votre collection. C'est vraiment pas la grosse affaire, là. C'est du early data east, là, tu sais. Look, là, puis les explosions, puis tout ça, ça paraît, là. Mais on a eu un bon moment. Fait que ça vaut la peine. C'est pas cher. Très cool, ça. Ouais. Moi, Ellie avait... il s'était mis dans l'idée qu'il allait faire tous les contrôleurs de jeux possibles chez eux avec son 3D printer Eli. Fait qu'il avait patenté des boîtes dans lesquelles il avait mis des boutons, des sticks, des trackballs, des affaires comme ça. Et il y avait un spinner, donc un spinner, comme Arkanoid, maintenant. Ouais, c'est ça, là, exactement. Donc, on a joué à des FMV d'arcade de spinner. On a joué à Road Blaster version arcade. C'est malade, ça. On l'a fini, on a passé au complet Road Blaster. Ah, ouais. C'était vraiment, vraiment le fun. Donc, c'est un jeu que t'es dans une voiture. Et puis, tout ce que tu peux faire, c'est gauche-droite avec ton spinner. Puis, t'as des boutons pour freiner et accélérer. C'est tout. Puis, dans ton dashboard, ils te le disent juste avant. C'est comme, OK, accélère, freine, tourne. Ou genre, freine, tourne. Fait que des fois, t'as des actions combinées à faire. Exact. Mais ce n'est qu'un FMV, genre de cartoon un peu, là. C'est comme Dragon's Lair, tu sais. Ouais. Mais en char. En char qui arrête pas, là. Non, c'est vraiment débile. Et t'as un mode que tu peux jouer sans indication. Ouais. Je sais pas quand c'est pour passer ça. Là. Ben, c'est quand tu le sais par cœur. Tu l'as quand t'es petit et t'as rien que ça à jouer tout le temps. Glavas qui dit qu'il a joué sur Sega CD. Oui, ça existe sur Sega CD en effet. Mais c'était vraiment, vraiment le fun. Surtout de jouer avec le spinner. Là. C'est ouais, ouais, ouais. On a rejoué aussi à Diac, la fois que j'avais parlé l'autre fois, que c'était un jeu de cruise avec qui fallait des bisous. Puis que tu causes moins, plus. On a... oh my god, oui. On a rejoué à ça. Alors on avait joué avec un gun l'autre fois parce qu'on n'avait pas de contrôleur comme il faut. On a joué comme il faut. Là, fait que. Ouais. C'est cool. C'est un mode. Faudrait jouer à ça. Tu sais, ça, c'est des classiques, là. Ça, puis Dragon's Lair, justement, là, c'est des. Puis c'est quoi l'autre jeu qu'ils ont fait dans le même style, un peu la suite de Dragon's Lair? Ah oui, oui. J'ai un blanc, mais. Ça a un autre nom, là. Ils nous le diront dans le chat. Mais ça, gens, en plus d'avoir le vrai contrôle. Quelque chose, je pense. Le vrai contrôle, le spinner, tu sais, c'était le fun de jouer avec ça, là. Ah oh, oui. C'est ça qui fait le charme de ça, puis on l'invente, les gens vont jouer avec, là. C'est... Des gros classiques du jeu vidéo. Ça. Exa. Moi, mon prochain jeu, il s'agit de... Ah, oh, man, cette affaire-là. Ça, c'est Moon Crystal sur Famicom. Ben oui, excuse-moi. Et puis, c'est Dej qui a dit « Hey, guys, je connais un jeu de Famicom, il faut l'essayer. Là, t'sais. On est capable de faire ça, je l'ai fini chez nous. » Puis c'est un jeu vraiment rare, ça vaut genre 650$ loose. C'est un espèce de platformer... Mais suranimé, vous voyez à l'écran présentement, le bonhomme, là, il y a tellement de mouvements. Il slide, il vire de bord, il accroche à la Prince of Persia sur les corniches, tout ça. Mais c'est tellement... Moi, c'est pas parce que j'avais bu, mais j'étais pas capable, j'ai pas réussi à maîtriser le gameplay de ce petit jeu-là. Mais juste, les capotais. Coups, il y a beaucoup de frames d'animation dans les coups. Là. Exact. Puis à un moment donné, c'est quand tu sautes, tu glisses pas, fait que là, tu te mets à... Comme à stratégiquement sauter pour pas glisser quand t'arrives à une place. C'est toute une affaire là, d'apprendre à jouer à ça. Et puis. Le challenge, c'est le contrôle, dans le fond. Là. Oui, mais un coup que tu le sais, puis tu fais ce jeu-là quand même aisément. Quoique les derniers niveaux, il est vraiment intense. Là. Mais puis tu pognes des items là, ongoing là, et puis tout ça. Puis c'est des niveaux par niveau, mais un petit peu pas labyrinthe du tout, là, mais. Tu peux revenir puis aller à des places, là, chercher coffres et des affaires. Fait que c'est une découverte. Puis, m'a te dire, prochain WEG ou dans ma vie, tu sais, le NES, commence à y connaître les jeux NES, là, tu sais. Puis le Famicom, là, il y en a, man, des jeux au Famicom. Puis, il y a plein d'affaires qu'on connaît pas. Puis ça fait partie des affaires que je connais pas. Et puis, que j'ai connues. Et puis là, que j'étais trop chaud pour être capable de contrôler. Mais je vais m'y remettre. Et puis, c'était bien intéressant, c'est une découverte. Mais Monseigneur Neveu vient d'arriver dans le chat. Dit Chris, de jeu impossible. T'étais bon quand même, Alex. Là. Et puis, lui et Dej, là, ils ont runné ça jusqu'à la fin. Puis Dej a fini parce qu'il avait déjà joué. Sinon, Alex, c'est un trooper. Il nous a suivis dans une coupe d'affaires difficile. Là. Ça nous aurait pris une éternité. Là, mais j'étais content d'avoir appris l'existence de cette affaire-là. Puis j'ai commencé à dresser une liste de jeux Famicom intéressant qu'on devrait essayer n'importe quand ou au WEG ou whatever. Fait que c'était quelque chose. Très cool ça. Bon, il y a des moments au WEG où tu te ramasses à gamer tout seul parce que le monde sont tout occupés ou c'est le matin très tôt puis personne n'est levé. Fait que moi j'aime ça sortir Binding of Isaac. T'as PC. Joué pas mal. Ben. J'ai joué 2 heures, mais 2 heures c'est 3 jours. Je l'ai fini là. La première fin, j'ai battu The Mother là, mais après ça. Faut que tu recommences, puis quand tu bats The Mother, tu t'en vas dans les sous-donjons, puis ça se poursuit très longtemps. Ça se poursuit là. Pour toujours. Mais j'aime beaucoup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le roguelike le plus accessible, le rogue le plus accessible que tu peux jouer, là, ou à peu près. Là, c'est... Ah ouais, puis un des plus populaires et connus. Là. Ouais, ouais, ouais, puis c'est le fun, c'est le pauvre Isaac qui souffre dans des donjons du sang, puis de la marde, puis des bibittes. Des... c'est ça, beaucoup c'est, de marde. Comme on voit là, c'est un tas de marde qui génère de l'autre tas de marde. Fait. C'est ça. Mais je jouais le matin, là, souvent quand personne était là ou à peu près, fait, puis samedi matin, je l'ai passé, fait que j'aime toujours revisiter Binding of Isaac, puis je joue jamais chez nous à ça. Jamais, jamais. Ah, moi, j'ai pas gagné. Ben, je pense que j'en ai peut-être même parlé à Rétro Nouveau. À un moment donné, j'avais pas aimé ça, puis là, je me suis essayé, puis là, j'ai accroché, puis là, joué à ça. Mais moi, ça fait peut-être 6-7, même plus que ça. Ça doit dater de 10 ans, ce jeu-là. Il y a eu un web où je me suis assis avec Zef, puis Zef m'a tout expliqué. Ouais, genre, ouais. Zef, il a joué à ça en tabarnak. Ouais, mais il m'expliquait tout en détail, puis j'ai fait, OK, là, je comprends la profondeur du jeu-là, puis je peux l'apprécier. Puis là, c'est là que j'ai embarqué, puis j'aime ça le refaire. Fait que... Ouais, ouais. C'est un excellent jeu, Binding of Isaac. Là, c'est un grand classique. Là. Absolument, absolument. Bon, là, beaucoup de marde puis de sang. Ouais, ou de petits cartoons de marde même. Des fois, c'est genre le cartoon entre les niveaux, c'est Isaac qui pense que son pénis tombe à terre. Hein, ouais, à toutes les fois, je riais. Là. La vulgarité. Pendant que j'étais chaud à 1h l'après-midi, probablement. Exact. Prochain jeu, c'est ce que je parlais tantôt. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, je l'avais mis là-dedans. Hein. Ouais. Bon, ben voilà, c'est le fameux jeu satanique que je parlais tantôt au look. Ben comment décrire ça? C'est pas du 8-bit, tu sais, c'est quoi? C'est du wireframe? C'est non, du c'est pixel pas... frame? Ouais, c'est weird, je sais pas comment décrire ça pour vrai, là. Ah ouais, c'est ça. Mais bref, voilà, comme je disais, je l'ai commandé ce jeu-là, et puis c'est juste. C'est comme juste. Sordide, des... épeurant. Les designs, c'est comme juste des contours des personnes. Oui, c'est pas... oui, c'est ça. Puis il y a de la musique. Hein. Ben, c'est pas de la musique, c'est juste du. Ben, genre de son d'ambiance. Puis là, regarde, tu pars dans le bois, man, puis il arrive des affaires. Puis t'es un curé, puis ta seule arme, c'est de brandir un crucifix. Puis tu sais, man, il y a du monde possédé, puis des affaires. Les gens qui ont fait ça, ils maîtrisent parfaitement l'art de l'horreur, là, du creep, là. C'est vraiment malade, là. T'as-tu vu, genre, juste des apparitions, puis des esprits, puis du monde tordu. C'est insane. Aïe, ça a l'air fucked up. C'est vraiment fucked up. Les gens qui écoutent en audio présentement... Prêt avec le shotgun. Ça, c'est un classique. Fate the Unholy Trinity. C'est vraiment malade, et puis je l'ai commandé, puis je vais totalement jouer à ça. Sur quoi vous avez joué à ça? Sur PC ou je sur... Sais... J'ai pas mis, là, j'ai mis les consoles, lui, j'étais pas sûr, je l'ai pas mis, là, mais... Ben, c'est Matt Bennett qui l'avait emmené, fait que le connaissant, il doit l'avoir acheté physique sur PlayStation 4 ou 5, là. Alors, je sais pas, j'étais arrivé dans le cinéma, puis ça jouait, là. Noir dans le noir. Noir dans le noir. Puis ça faisait peur. Ah. Fait que, il y a 12 fins, en plus. Alors, ça me déprime un peu. Bon, on verra bien, mais je veux le vivre. Voilà. Il y a l'après-midi, je me suis assis avec Matt Bonin, puis j'ai fait Pony Island de Daniel Mullins. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est lui qui a fait le jeu Inscription, fait que le jeu de cartes là, un peu maléfique, là, qu'il faut que dans une cabane dans le bois. Puis c'est un peu ce que je parlais tantôt de l'anti-horreur, là, c'est vraiment de l'horreur pur, de genre que c'est un jeu qui est conscient. Puis que c'est genre un peu le démon qui contrôle le jeu en arrière, qui essaie de briser ton ordi, qui essaie de voler ton arme, tu sais. Fait que c'est. Ah ouais, hein. Fait que c'est un petit jeu très simple, de genre, c'est un poney qui avance, puis qu'il faut que tu sautes, puis tu tires des trucs. Mais genre, le menu casse, puis là, faut que t'ailles comme dans des glitches, puis tu joues dans des bouts de code un peu. Puis c'est un genre de puzzle narratif d'horreur, le fun qu'on a fait en 2 heures, là. Fait que c'était le premier jeu de Daniel Mullins. Puis Inscription, j'avais adoré ce jeu-là. Je l'avais jamais critiqué, là, mais j'avais fait au complet, puis j'avais vraiment capoté. Puis il y a Pony Island 2 qui s'en vient. Supposément, cette année, le trailer est insane de ce jeu-là. Je veux jouer. J'ai vraiment apprécié. Mais c'est clavier-souris, fait que tu peux pas jouer avec une manette là, à ça. Ouais, c'est ça. Mais si vous avez un PC, là, puis vous êtes dans. Vous aimez ce genre de jeu-là, pour vrai, c'est un très très bon là. Pony Island de System Tech Incorporated. System Tech. J'ai beaucoup aimé. Là. J'attendais Matt pour le faire, justement, on l'a fait à deux, fait que c'est un beau petit moment plaisant. Malade. Mon prochain jeu, on y a joué ensemble. Oui. Il s'agit de. Et avec Monsieur Neveu aussi. Avec Monsieur Neveu, en effet, il reconnaîtra le jeu. C'est Night Guy in Low Res World. Puis il y a encore plus de titres à ce jeu-là. Les titres, ça finit plus. Et puis, j'ai découvert, Jeff, en faisant des recherches, en recherchant pour ce jeu-là, qu'il y a une version Atari 2600. Ah ouais? Et ce que vous voyez présentement, c'est la version Atari 7800, donc qui est plus poussée graphiquement. Ouais, au ouais. final, je pense que c'est exactement le même jeu. Ça, c'est des cubes, tu sais, puis très simple. Donc, c'est un genre de petit jeu d'aventure, un petit dungeon truc. Là, t'es un petit chevalier qui avance. C'est Metroidvania, faut que tu reviennes. Ouais, ouais. Très léger. En effet. Mais c'est ça, c'est des cases... chaque pièce a son petit challenge. Ouais. Tu sais, qu'il y a des choses qui essaient de tuer des trappes, des affaires. Puis c'est un grand château, j'imagine, il faut que tu fasses. On s'est rendu, je sais même pas jusqu'où. On était à genre 3 minutes de la fin, je pense, de ce que j'ai vu du gameplay de celui-là. Là. T'es-tu sérieux? C'est genre 12 minutes le jeu, là. Ah, ben là, c'est un peu décevant. Ouais, je pensais qu'on l'aurait fini pour vrai, mais on a abandonné juste avant. Moi, je pensais qu'on était genre au 10e. Là. Non, on arrivait dans l'eau, puis c'était presque fini. Là. Ah, ben. On s'est rendu à l'eau, en effet. Mais parce que là, on était chaud. J'ai regardé dans le gameplay, puis c'est genre 9 minutes, t'es rendu à l'eau, puis 12 minutes, c'est fini. Puis là, je brandisais mon téléphone, puis je criais à tous: hey, on va en commander des copies physiques. Ouais, on pour toi, puis pour toi. Un pour toi, et puis un pour toi. Puis j'allais le faire, ouais, parce que j'étais sur le forum d'Atari Age. J'en voulais un, moi aussi. J'étais prêt à dépenser de l'argent. Durement gagné de Patreon pour qu'on ait tous une copie de ce jeu-là physique commandé directement en argent américain sur Atari Age. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Mais là, si tu me dis qu'après 12 minutes, le jeu était déjà fini, je suis comme quasiment content de ne pas l'avoir fait. Là, je recheck, là, mais il me semble que ça n'a pas l'air bien long. Là. Ouais, mais le gars qu'on voit présentement, il speedrun ça là, comme un seul homme. Là. Il sait ce qu'il fait. Là. Puis il joue avec une manette. Puis nous autres, on mourait tout le temps. Moi, je mourais juste sur des cristaux de piliers comme un noob à chaque fois. Je me rendais loin et je mourais. C'est l'affaire la plus facile à... Ça, là. Ouais, c'est ça. C'est l'affaire la plus facile à passer dans tout le jeu, puis c'est là que je mourais à chaque fois. Exact. Mais on a joué beaucoup quand même. On a joué une heure et demie, deux heures, vraiment, à ça. Ah ouais, ben deux heures parce qu'on était quatre à se passer à la manette et à remourir les heures après. Être sous, c'est ça. C'était pas le high performance. Non, effectivement. Mais c'était bien le fun. On a eu du fun. Des fois, dans le web, il y a des affaires qui se passent. Genre, je me lève, je m'en prends une bière, puis là, je regarde des lits, puis j'arrive, puis je suis comme... Veux-tu bien me dire, calice, à quoi t'es en train de jouer? Et c'est le cas du prochain jeu que je te parle, Dom, parce que je me suis assis avec puis on le passe au complet. Ça s'appelle I'm Not a Robot. Et oui, tu as bien lu, c'est un jeu dans un browser web. C'est un jeu de captcha. Donc, tu sais, des affaires qu'il faut que tu détectes si t'es un humain ou pas. Mais c'est du trolling. Fait que chaque niveau, c'est un captcha de plus en plus intense pour savoir que t'es pas un robot. Comme là, c'est comme, trouve le stop sign. Mais à chaque fois que tu cliques dans un carré, il se décompose en quatre petits carrés. Là, t'es comme calice. Hey, puis j'espère qu'on va jouer avancer parce qu'à un moment donné, il a fallu que j'aille chercher ma webcam parce qu'il fallait se filmer pour faire des expressions faciales. Ça allait très très loin. Mon Dieu, c'est rendu méta. C'était méta au bout. On l'a passé. Là. Comme là, c'est comme whack-a-mole, mettons. Je veux juste laisser un peu. Mais c'est sur le site de Neil.fun. Genre, c'est un gars qui fait des jeux de même un peu weird sur le net. Là. Fait qu'on a perdu une bonne heure et demie, moi, puis il est là-dedans. Là. Facile, genre, vendredi soir. Oui, Charlie. T'sais, c'est... Ok, c'est... Je veux juste voir s'ils vont... Ça va dans tous les sens. Mais, ouais, je veux juste voir s'ils vont montrer, genre, montre-moi le chien ou le muffin. Ah, c'est drôle, ça. Montre-moi le chien lequel ou le muffin. Lequel est un chihuahua, c'est tout des muffins, genre. Wow! C'est ça s'appelle I'm Not a Robot, ça, c'est quand même drôle. Là. Pendant que t'as comme 100 captchas, puis trouve lequel qui est le bon. Puis, genre, fais un cercle, faut que ton cercle soit parfait, c'est... Ce n'est que du trolling, mais c'était très très plaisant. On a eu bien du plaisir, on l'a passé, puis on était content. Regarde ça, genre. Ah ouais. C'est des phrases de comme okay, laquelle qui est la bonne phrase, que je suis pas un robot, tu sais. Puis ça a fini, et moi et Eli, on a eu un PDF de moi et Eli qu'on est certifié qu'on n'est pas des robots. Ok. Fait qu'on a maintenant ça. On a parked tout dans le. Ça va très loin, là. Fait que ça a été un petit moment d'échappatoire, moi et Eli, là-dessus. Là. Ah, ça c'est hot. Ça. I'm not a robot. Nice. Moi, je joue à beaucoup d'affaires weird avec Eli. Ouais, c'est ça. On est dans le même genre spectre. Sur le spectre, on est dans la même fréquence. Là. qu'on a joué ensemble. Tous mes autres jeux seront des jeux d'Atari 2600, dont on s'est fait des runs. Ah, on a eu bien du plaisir. Et puis, moi, j'avais amené ma Bible. Je lis un gros livre. Ça, c'était le fun pour vrai quand t'avais fait ça. Là. Exact. Je lis un gros livre d'Atari présentement. Et puis là-dedans, il y a des showcases de plusieurs jeux. Puis ça fait des critiques de jeux. Et puis, il y en a plusieurs là-dedans que j'ai jamais vraiment essayé comme faux. Puis là, Bump and Jump, qu'on voit ici à l'écran, qui est un jeu d'arcade qui a été porté à l'Atari, au NES, au Coleco, et puis sûrement mille autres affaires. Et puis, il disait que la version Atari 2100 était quand même surprenante, puis qu'elle est sortie tard, tu sais, après le crash du jeu vidéo, okay. Puis qu'il y avait un petit fond de musique, puis qu'il y avait bien des affaires, des sound effects. c'est vrai, ça faisait beaucoup de bruit. Oh, puis oui. Pour vrai, je trouvais ça pas pire, finalement. Ah, c'est fun, c'est fun à jouer. C'est vraiment pas un jeu commun, là. C'est un M-Network, lui aussi. Pareil okay. Comme le Burger Time qu'on a présenté au début du show, là. Donc, pas commun du tout. Alors, gardez l'œil ouvert si vous voyez ça passer. C'était quand même réussi, là, comme port. Comme port. Bien le fun. Là, les deux prochains, Dom, tu vas pouvoir participer parce que tu as participé avec moi, Ellie. Je te parle de, premièrement, Jeopardy sur Windows 3.1. J'ai pas joué à Jeopardy. Tu as joué à Jeopardy. Puis après, j'ai juste joué à Wheel of Fortune. T'es sûr? Ouais, j'ai pas joué ça. Moi puis Ellie, on peut-être un moment donné, je suis passé, puis j'ai crié deux, trois affaires, puis je suis parti. Non, mais intéressant que nous autres, puis là, on a changé après ça. Mais là, on a parti sur des jeux, moi puis Ellie, de Windows 3.1. Fait qu'on explorait les bas-fonds, les affaires qu'on n'explore jamais, fait que du vieux PC, tu sais. Puis pourquoi jouer celle-là, je sais pas. On a pris celle-là, donc on a joué un peu à Jeopardy. Il était très tard, là, genre 2h du matin, là, on était chaud, on jouait à ça. On s'est rendu compte qu'il y avait un acteur dans Jeopardy, un des concurrents, qui était le même concurrent que dans Wheel of Fortune. C'est ça. Fait que là, on était comme, c'est là, la même compagnie, ils ont récupéré les assets. On est dans l'or, genre, des jeux de Windows 3.1, de ça. Mais c'est Wheel of Fortune. Tu choisis des questions, tu réponds. Là, c'est exactement ce jeu-là. Puis là, t'as embarqué nous autres sur le prochain, donc Wheel of Fortune, encore une fois, Windows 3.1. Hey, pour vrai. Avec Vanna White qui prend à peu près 15 secondes à traverser l'écran pour aucune raison. Puis elle tourne aucune lettre. Les lettres tournent quand elle passe devant, mais c'est pas grave, elle marche, là. Fait qu'on avait fait La belle Vanna White. Ah, la belle Vanna. Les images sont quand même cool pour du Windows 3.1. Ouais, quand même bien, là. Ben là, c'est sûr que ça roule sur un émulateur, fait que c'était bien, là, quand même. C'était correct, là. C'est tout le temps du FMV un peu. C'est du vidéo, là, filmé. Fait qu'on a joué à ça, ça a été très difficile. Des affaires qui n'avaient pas de bon sens, là. Genre des mots, là, genre la catégorie avant et après, un ski trip in the Northern Light. T'es comme, voyons, tabarnak, genre, comme, tu peux pas trouver ça. Moi, je faisais juste skip my turn ou banqueroute à chaque fois. C'est... Ah ouais. Mais on a eu du fun. Moi, je comprenais rien. Là. Combien ça coûte, là, les voyelles, là, Chris? Qu'est-ce qui arrive? On faisait juste parler fort puis rien comprendre. J'étais tellement heureux à ce moment-là. Ah ouais, j'étais heureux. Je venais de manger mon Michigan puis tout. Puis quand je suis allé me coucher après, là, ça a juste été une descente aux enfers. Ah, c'est le genre de moment que tu peux juste vivre au WEG. Puis le WEG, il sert à ce genre de moment-là aussi. Explorer de ces scraps-là. Là. Absolument. Voilà, donc, on fait sur Atari. Encore dans ma Bible, Atari disait que Alien à l'Atari 2600 était intéressant. C'est complètement Pac-Man. Et puis, tu pognes un gros dot, et puis dans le coin, tu pognes une affaire, puis quand tu pognes ça, tu peux tuer les aliens juste en leur fonçant dedans. Tu ramasses des items qui donnent de l'argent, et tu as un lance-flamme qui sert absolument à rien. Comme tu lances des flammes, mais ça fait rien. C'est comme une lumière devant toi. Et puis, c'était that's it. Alors, c'était quand même pas pire. Moi et Étienne, on a quand même joué pas mal. Puis quand tu réussis à passer le maze de Pac-Man, comme ça, à ramasser toutes les dots, qui sont en passant des œufs de Alien, si tu te demandais, y a un niveau à la Frogger, là, avec des milliers d'aliens qui passent, puis il faut que tu passes entre eux, et t'as un timing, puis c'est vraiment serré. Fait que, sachez-le, comme Domaine dans le chat, en effet, Alien sur Atari 2600 est complètement un Pac-Man. Là, laisse-le aller, il finit de connecter les dots, puis là, on va le voir le niveau Frogger. Puis là, tu passes à travers ça pour te rendre l'autre bord. Il est bon. C'est quand même dur, ce niveau-là, il faut que tu te dépêches. Puis là, ça recommence, puis c'est comme ça pour la vie. Alors, très cool. Malade. Tous les jeux publiés par 20th Century Fox sur Atari 2600 sont tous des inventions de films. Il y en a plein, c'est tout. Il y en a plein, là. Flash Gordon, MASH, Porky's. Tu sais, vraiment, c'est tout des films. Fait que c'est intéressant. C'est une série intéressante. Ça va te le prendre, Domaine. Ben oui. Tu peux changer. Je veux pas prendre trop de temps avec mes petits jeux Atari. C'est parfait. Ben moi, je m'en vais dans un jeu qui n'est jamais sorti. Je te parle de Marble Madness 2, Dom. Ça a jamais sorti, non, ça? Non, ça a été cancellé. C'était pour jouer à l'arcade avec un stick, par exemple, pas avec des trackballs. Fait que moi, puis là, on avait chacun un stick d'arcade et on a joué à ça. C'est dur en tabarnak, genre. Pour vrai, là. Le premier est dur, hein. Ouais, mais le premier, on s'est rendu à la fin avec des save states. Ça, je sais même pas si on aurait été capable avec des save states parce que il y a comme beaucoup plus de niveaux, puis c'est la même mécanique. Faut que tu accumules ton temps, sinon à la fin, t'en as plus, puis c'est très difficile. C'est laid, ouais, ces grosses chaudières-là. Ah, hein. C'est laid. Ça fait pas pente. Il y a rien qui fait du sens. Mais on a eu quand même du fun à l'essayer. rendu très loin et on n'a pas été capable de le passer. Là. C'était trop difficile, mais on voulait quand même au moins l'essayer. Genre, c'est un jeu jamais sorti, donc Marble Madness 2. Je comprends que ça a été cancellé. Ouais, moi aussi. Pour le mieux. Ouais, au moins là. Mon prochain jeu Atari. Hein? C'est-tu. Ah ben là. Ouais, c'est vrai. Je l'ai noté. J'avais oublié qu'on allait en parler beaucoup dans les. On voyait le sang. On reparle de Lady in Wadding. Voici comment on prend une brique à côté, puis on fait un pont, puis on évite les croque-culs. Ouais, on avance très lentement. Ouais, c'est ça. Là, se fait parfaitement croquer le cul. Croquer et descendre dans l'eau et manger. Puis là, tu tombes dans l'eau, tu te fais manger par le crocodile, puis il y a du sang partout. Alors, c'est sexy, puis épeurant en même temps. Mais moi, c'est la bisoune du gars en haut qui me fait peur, surtout. Là. Oui, vraiment. C'est de la belle bisoune. Ben, c'est l'émotion. Ben, la ouais, bidoune, comme on dirait. La bidoune. Comme on dirait à Monseigneur. Non, mais sa ville s'appelle la bidoune aussi, sachez-le. Le jeu préféré de l'homme d'Encino. On va le laisser aller. Ah, regardez, là, il y a des relations sexuelles. Il est mort. Attends, peut-être qu'elle va s'en rendre, puis on va voir des relations sexuelles. On veut voir le fourrage. Exact. Go. Ah ouais, vas-y. Ah ouais, ça y est, là. Il faut que ça aille en... Ah ouais, là, ça y va. Regardez. C'est là que ça se passe. Les gens qui ont fait ça, il y a de la pénétration, mais debout, face à face. C'est pas évident. C'est quand même en pixel. J'espère que Twitch ne nous bloquera pas. Là. Et voilà, ça se pourrait. Et là, ça recommence. Et là, c'est ça juste recommence. Ça. Mais ça vient juste de plus en plus dur, en fait. Là, c'est que la bidoune à l'air. La bidoune en l'air, la bidoune en bas. Alors, voilà, les Dean Wadding, Forever, ça va me le prendre physique. Là, je vais l'activer sur eBay dans mes notifications. Ben oui. Plus t'avances, plus les bébites en haut drop du stock, puis il y a des bébites qui arrivent plus souvent, c'est ce que j'ai remarqué. Ben, là. Je sais même pas, en fait. Ben, peut-être. La bébite en haut, qu'est-ce qu'elle fait? On n'a pas joué si longtemps, une fois qu'on a vu le fourrage. Une fois que tu l'as fait. Tu l'as c'est fait. Comme dans la vraie vie, un coup, t'as fini. Je passe à autre chose. Et passe à autre chose, moi, je passais à Raiden Nova après ça. Ah, oui. J'ai joué sur PC à ça. C'est la série Raiden, mais en fait, là, on est dans un format Twin Stick 2D. Fait que pensez Geometry Wars un peu, là, puis ce genre de jeu-là. C'était très le fun. J'ai eu bien du plaisir. Il est dans mon ordi. Ben, on vient d'avoir ça chez RetroMTL dès sa sortie physique. Puis ça fait pas longtemps. Là. Ça fait genre un mois. Puis moi, je l'ai acheté. Puis je l'ai essayé un peu c'est aussi. C'est noisy sur le background, je trouve. Dans le... Parce que t'es comme en haut des buildings. Fait que c'est tout est c'est plein là en dessous. Là. Mais ça. Mais c'est ça. Mais c'est comme pas si beau. Mais c'est accrocheur. T'sais. Puis exactly. T'as bien des upgrades de tes vaisseaux spatiaux. Puis c'est ça, c'est l'univers Raiden qui est habituellement un vertical shmup. Exact. Mais là, c'est un Twin Stick, carrément. Là, à Smash TV, man. C'est ça, au final, là. C'est... Parce que le vaisseau spatial, tu sais, il va dans tous les sens. Comme il n'est pas en propulsion, tu comprends non, ce que ça, je veux dire? Non, non, c'est comme si c'est dans l'espace pour n'importe vrai, où, là. N'importe comment. Là, comme si, ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment du Twin Stick, là. Mais oui, c'est intéressant. J'ai eu bien du plaisir à jouer à ça aussi. C'est intéressant. Ah, ça aussi, j'ai eu bien du plaisir à jouer à ça. Oui, c'est vrai. Il s'agit de... Fast Food sur Atari 2600. Donc, tu as une bouche qui mange continuellement et tu dois manger tout ce qui passe à l'écran, sauf les courges. Les courges mauves, là. À caractère sexuel, encore une fois. À caractère sexuel, toujours. Mais tu manges hot dog. Mais you're getting fatter. C'est ça. Quand tu finis un niveau, ça te dit ça. You're getting fatter. Puis là, ça, c'est drôle. Puis quand t'as mangé trop de courges, ben tu deviens game over. Fait que il t'envoie des Doritos, des milkshakes, des chips, de la liqueur, des frites, tout là, tout ce que tu peux penser, des buggers, très simple, bières. Ouais, très simple mais très efficace. Hein. Exact. Puis c'est juste, pour vrai, c'est bien fait là. Puis là, plus que t'avances, puis c'est pas trop long que tu te rends là, les affaires arrivent vite en maudit. Ouais. Fait que le challenge devient juste assez d'éviter les courges là, ce qui est pas évident. On a joué aussi au jeu de brosse à dents, là, de... Plaque attaque. Plaque attaque, ouais. En effet. Qui est un peu ça à l'inverse, là. Ouais, c'est ça. Ah, les jeux de nourriture. Ouais. C'est toujours bon. C'est toujours gagnant. Ensuite, il y avait Nick Chalifou qui avait une recommandation spéciale. Donc, on a ressorti Fort Boyard avec édition 2024, le DLC. Donc, le défi du père Foura. Toujours un peu de Fort Boyard à chaque WEG. On a tout le temps du plaisir, on est le temps mauvais, c'est le fun. On rit, puis... C'est un classique. On entend la musique de Fort Boyard qui joue, puis on est tous très heureux, là. Fait que, on voit, là, c'est Microïd qui fait ça. C'est très français. Ah oui, Microïd, là. Mais ceux-là, ils l'ont bien, tu sais. Ils l'ont bien réussi, là, c'est une bonne franchise. Effectivement, c'est pas tout le temps top. Ce qui est publié par Microïd, ça fait un petit peu peur, souvent, là. C'est pas tout le temps des grandes réussites. Mais en même temps, c'est Fort Boyard. Ça tend pas à Non, c'est un jeu de party. Là. C'est des mini-games, dans le fond. Exact. Que chacun joue un après l'autre, que tu te passes la manette, là, puis tu rates ton mini-game, tu te ramasses au cachot. Puis Félindra tête de tigre, puis tout ça. Là, on a fait Fort Boyard, on a fait deux belles games, et on n'a pas rejoué. Deux belles games. Ben, c'est le fun, on a eu du plaisir, comme toujours, là. Mon dernier jeu d'aujourd'hui est un shmup qui était encensé par mon gros livre Atari. C'est Laser Gates, un jeu développé et publié par Imagic. Imagic qui font des bonnes affaires. Donc, tu as un couloir dans lequel faut que tu pètes des colonnes pour passer au travers. Tu sais, l'ergonomie de cet écran-là est fantastique là aussi. Ouais, c'est ça. Trois quarts de l'écran pour ton score et ton énergie. Exactement, c'est très visible. Ouais. Et puis, c'était quand même difficile, là, je dirais, mais d'après ce que ça dit dans ma Bible, il y a beaucoup plus de profondeur qu'on pense à ce jeu-là. Là, c'est quand tu fais le tour des planètes, là, tu pètes le générateur, puis tu viennes, puis tu fais ci, puis tu fais ça. Il y a du shield, il y a de l'énergie. Moi, j'ai rien compris de ce que le shield ou l'énergie faisait tant que ça là-dedans. Moi non plus, là. C'est le shield, maybe, là, mais... L'énergie a l'air de descendre. Il y a du D-time. Faut que tu te dépêches, là, malgré tout. Mais ton énergie descend même quand t'avances. Fait que faut que tu pognes des... les pastilles, là, c'est ça. Fait que c'est plus profond qu'on pense, là. Alors, c'est intéressant. Puis, ça se pourrait que ça soit un jeu qui ait une certaine valeur aussi. Je vais aller voir ça. Encore une fois, vaisseau très phallique, là. On apprécie toujours. Là. Oui, on apprécie tout ce qui est phallique. Effectivement. Ça stimule. Avant-dernier jeu pour moi, parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre Suburban Commando, mais j'ai sorti un YouTube parce qu'il faut que j'en parle absolument après. Là, mais... Je veux juste dire en deux secondes que Laser Gates à l'Atari 2100, loose cartouche seulement, ça vaut 56$ quand même sur Price Chart. Fait que c'est pas de la merde. Si ça part chez Retro MTL, je le ramasse. Ouais, même à ce prix-là. Oh ouais. Bon, ben, coudonc, t'es riche, toi. Quasiment. T'es riche avec l'argent qu'on te donne. Là, je m'en vais encore plus loin que Windows. Je m'en vais dans le MS-DOS d'homme avec Goblin Quest 3. C'est un jeu de point and click un peu funny d'aventure. Là. Donc, t'es un petit gobelin qui doit se sortir de situation X. Fait que chaque tableau est une situation. Comme là, t'es sur un bateau volant un peu. Là. Fait que faut que tu cliques dans l'environnement, puis tu guesses qu'est-ce que tu fasses. Puis c'est un peu, tu sais, c'est des... Ça rappelle des escape rooms, mais de logique un peu drôle de trouver des gags, là, mettons. Là. Genre, si t'avais une plume, tu pourrais aller chatouiller quelqu'un, mettons, puis ça le ferait tomber, des affaires comme ça. Là. Fait que c'est... Ça a l'air plate à mort. C'était bien, on a joué deux tableaux, puis c'était assez. Là. Mais c'est, j'ai quand même du fun à jouer à ça. Là. Ça s'appelle le Goblin Quest. Probablement qu'il y a plein de monde dans leur jeunesse qui ont joué à ça sur PC. Puis dernièrement, tantôt, on a vu l'image de Hogan, là, mais le jeu s'appelle Suburban Commando. Fait que oui. C'est le jeu du film. Qui est un très mauvais film de Hulk Hogan qui arrive dans l'espace. Puis on regarde, on est comme, ah ben, il arrive dans l'espace, c'est un shmup, donc on va jouer à ça. Donc oui, le premier tableau, c'est un shmup comme ça. Très malade. Ordinaire shmup, là. Ça a l'air slow, là. Mais on est comme, ah, c'est pas si dur. Et là, t'atterris. Genre ça va être plus complexe, là. Ah, regarde ces pénis, là, comment ils sont slow. Si je le lève dans le shmup, un petit peu. Ah, c'est. Non, mais ça, c'est slow, c'est pas ça, là. Un petit peu, là. On va retourner ici, là. Hey, la face, j'essaie là. J'essaie de trouver du gameplay. Brother! Là. Parce qu'après ça, c'est un platformer. Exact. Puis dans le fond, là, c'est un platformer que t'as cinq niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau en shmup. T'as six niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau en shmup. Après ça, t'as trois niveaux de platforming que c'est le même principe. T'as soit 10 clés à trouver, 10 bombes à les mettre ou genre 10 diamants à trouver. Puis après ça, t'as des boss fights. Moi, puis là, on a passé au travers. Vous l'avez fait? On l'a fait au complet. Vous avez joué beaucoup. On a joué beaucoup trop longtemps. Puis on a triché une affaire. Puis il y a des passwords quand tu finis tes tableaux. Puis on s'est rendu, on était à l'avant-dernier. Puis il nous manquait un diamant qu'on savait pas il était où dans la map. Puis il n'y avait plus de temps pour le WEG. Fait que là, on a fait comme. Oh, regarde, on va prendre le password du boss. On va aller faire le boss. Les boss sont glitchés, quel Chris. Genre, tu te mets dans le boss. Puis tu punches. Le boss te pogne pas. Toi, tu le pognes. Ça prend 3 secondes. Tu as battu le boss, tu sais. Waouh. Puis on est parti, on a joué vraiment longtemps. Puis ça, c'est ça que je dis, moi, puis Eli, on est sur le même spec des fois. C'est parce qu'on passe des affaires qui sont cassées, tout croche. Hey, on peut passer ça, nous autres, là. On a mis beaucoup d'efforts à jouer à ça. Ça me fascine qu'une affaire de même ait existé, accepté par le. Je sais pas qui a fait le film, Universal, whatever. Je sais même pas si Hulk Hogan, il y a un mot à dire là-dedans. Probablement pas là. C'est en même temps, il est utilisé. Fait qu'il doit avoir de l'argent là-dessus. Probablement qu'il y avait des redevances, mais là, c'est dans le temps, c'est sur MS-DOS. Fait que à quel point que c'était checké dans ce temps-là. Là. Mais voilà, fait qu'il y a un film, il y a un jeu du film Suburban Commando qui existe. Et on l'a joué, on l'a passé. Fait que c'est un grand achievement dans ma vie. Peut-être que Limited Run va faire une version physique éventuellement. Malade, vu qu'ils font tout le temps des affaires que personne ne veut. Mais c'était bien pour les, par rapport au, genre, aux jeux de plateforme qui finissent en chemin. Là, c'était l'inverse. Ça commence en chemin puis ça te donne bien la plateforme après ça. Là. Effectivement. Donc c'était Suburban Commando. C'était le highlight de ma fin de semaine. Ben, sinon, ça fait le tour du WEG et des jeux et de tout ça. Alors, Il resterait une critique. Il reste une critique, en effet. Puis là, après ça, il va rester peu de temps pour les questions du public. On va en prendre random. On va voir, là, mais on Je pense que... Je suis très fatigué. Ben, moi aussi, là. Mais on verra. Mais on va aller en critique parce que c'est une importante critique ce soir. Donc, en effet. On s'en va en critique. Battletoads en plus. Ah oui. Donc, ce soir, on s'en va en shmup dans l'espace, Dom, avec R-Type Delta HD Boosted, développé par City Connection et publié par Clear River Games. C'est disponible sur tout, originalement développé par IREM, ce jeu. Shmup sur PS1, donc c'est un remake du jeu de PS1. Exact. C'est pas un remake, c'est un remaster, je dirais, plus qu'un remake, là. Oui. Toujours des jeux très difficiles, les jeux de R-Type. Ah, vraiment. Fait que c'est un jeu qui est sorti ça en 98 sur PS1, comme je disais. C'est un retour attendu parce que c'est un des meilleurs de la série selon ce que j'ai vu des critiques, celui-là, puis spécialement R-Type Delta. Alors qu'on voit le Delta ici, que j'ai jamais compris c'était quoi, là, c'est probablement le triangle. C'est le triangle autour de toi. Mais il est juste là quand tu commences puis tu finis ton tableau. C'est ça, moi j'ai jamais trop compris. C'est le Delta, puis là, parce qu'on mourait parce qu'on était pas au WEG. Delta! Hey, on a joué au WEG, on était pas bon. Ah, mais on était chaud, là. Ça a pas de rapport. C'était un mauvais moment pour jouer à ça. Là. Faut être concentré. Tu sais, j'ai rejoué chez nous après ça en revenant. Puis j'ai joué toutes les. Là, on a décalé d'une semaine. Fait que j'ai une semaine et demie pour jouer. Puis je jouais le matin avec mon café, justement, tout seul. Ah ouais. Puis j'étais comme, asti, qu'on a rien compris de ce jeu-là quand on a joué. Des mécaniques, genre très simples, très bonnes, qui vont nous aider beaucoup, là. Fait que c'est un shoot'em up horizontal qui est très exigeant, qui est basé sur la mémoire. Fait que c'est un. Die and repeat, là. Fait que tu vas mourir, tu vas apprendre un peu où est-ce qu'ils sont les ennemis et comment ils meurent. Exact. Pis c'est pas du tout un bullet hell. C'est même non, l'inverse vraiment d'un bullet hell. Un bullet hell. Ce qui fait chier, c'est que souvent tu vas mourir parce que tu pognes une balle perdue que t'as pas vue. Ouais. Il y en a une dans le niveau, puis dans ta poigne, tu meurs, là, dans le fond. Absolument. Là. C'est un jeu qui est très difficile parce que c'est un jeu qui pardonne pas. C'est un one hit et tu meurs. Ouais. Puis one hit, là, genre, tu te fais accrocher quelque chose, tu meurs. Ce qui est bien, c'est que si t'accroches le décor en haut, en bas, tu meurs pas, par exemple. OK. Ça aurait aidé de savoir ça au début quand on jouait. Fait que t'es comme t'es sur fou. Le bord, mais tu peux être à côté sur le plancher, mettons, puis tu vas pas mourir. T'as le choix de... En fait, dans le niveau, t'as des checkpoints qui sont très spécifiques. Tu vas les sentir. T'es vois pas visuellement, mais t'es sens. C'est comme un ralentissement. T'as des power-ups qui vont arriver, mettons. Fait que c'est le checkpoint dans le niveau. Tu repars à ton checkpoint quand tu meurs. Puis t'as... C'est un système de vie. C'est nouveau, ça, du remaster. C'est un système de vie incrémental. Fait que première game, t'as 3 vies, tu meurs. Continue, ouais. Tu recommences. Ils vont t'en donner 4 après une couple de sessions. 5 après une couple de sessions. Juste pour t'encourager à le faire. Puis, ça, c'est très cool. Ça fait penser à Gradius 5 au PlayStation 2, justement. Où est-ce que, puis même Highlander aussi. Il me semble que plus tu joues, ben, ils te donnent des continues, tu sais, puis ça va avec ton temps de jeu. Parce que c'est très décourageant comme jeu, parce que le fun de ce jeu-là, c'est que t'as des power-ups, t'as une boule en avant que je vais parler après, là, qui te sert. Sauf que quand tu meurs, tu perds tous tes power-ups, puis t'es pogné au boss, t'as pas de power-up, fait que c'est très ça. Punitif, là. Ça, c'est les shmups, man. Ouais, oui, oui, mais ça fait tellement chier, parce que faut quand t'as une game parfaite, t'es comme, Tu perds pas de vie. Tu perds pas de vie, puis là, tu meurs comme un cave, t'es comme, fuck, ça va être très, très difficile le reste, là. Ah ouais. T'as 3 vaisseaux au début que tu peux choisir, donc le R9A, qui est un vaisseau classique équilibré, là, donc... Wow. Lui, t'as même pris le temps de noter les noms. Ouais, j'ai fait une belle recherche approfondie, là. Fait, dans le fond, c'est juste pour expliquer, là, c'est que t'as une boule qui est un power-up aussi que tu peux envoyer devant toi qui tire les ennemis, oui. Qui va absorber l'énergie aussi. Fait que celle-là, sa boule, elle va tirer juste drette, puis elle va comme. Si tu montes en haut, en bas, elle va waver un peu avec toi là, pendant que tu joues. L'autre, le RX, qui est un auto-aim sur ta boule, qui est très pratique parce que là, tu l'envoies en avant de toi, puis elle va tourner, puis elle va auto-aim les ennemis. Sinon, t'as le R13, que lui, c'est un genre de lasso. Il va se pogner après un ennemi, puis il devient comme en électricité, puis il va tuer l'ennemi directement. Ah. Fait que les 3 se jouent un peu différemment. mais pas tant. Ça va être vraiment plus sur le power-up, de la manière que tu vas le gérer. Ben, faut que tu choisisses stratégiquement, j'imagine. Tu sais, l'asso, tu le veux au boss, là. Tu colles dessus. Mais tu peux pas changer de vaisseau pendant. Non, mais tu te dis, ah, j'arrive au boss, au lieu de changer ma boule pour la première, je vais garder ma boule. Non, mais ta boule, elle est spécifique à ton vaisseau. Ah, c'est le vaisseau. Fait que ton vaisseau, le numéro 1, il y a une boule qui tire en avant. Ah, OK. Le numéro 2, il y a un vaisseau, il y a une boule qui tire avec auto-aim, mettons. Okay, puis l'autre, ben, ça va être vraiment avec... D'accord. T'as aussi ça, la boule, qui est ta force en avant, qui sert à bloquer, attaquer, tirer. Puis, cette boule-là, quand elle tire des ennemis ou quand elle reçoit des shots des tirs ennemis, va absorber d'énergie. Puis t'as une jauge dans le... Je vais remettre en full screen. Dans le bas, qui est caché par le duplex. Ouais, c'est ça. La jauge bleue, le cadran, ça, c'est une bombe qui fait qu'à un moment donné, elle devient rose. Puis quand elle est full, tu peux wiper l'écran. Là, je savais que ça servait à quelque chose. C'est on ça, savait là. Pas quoi faire. On a même pas regardé. On est là, on s'en calisse. Bon, puis t'as aussi ton tir. Il va être genre en continu. Et t'as un beam que tu peux charger. Fait que... Dans le fond, la manière que tu vas jouer avec ta manette, c'est que tu vas tenir le trigger pour tirer. Puis si tu veux ton beam, ben, tu tiens le bouton du beam pour le charger le plus fort possible. Puis tu as deux niveaux de beam, fait que tu le remplis, il fait un gros beam. Puis si tu le tiens, il va changer de couleur. Puis là, il est encore plus gros, puis il wipe plus de choses. Là. Okay. C'est vraiment bien. Puis ton vaisseau, en plus, ben, tu peux gérer la vitesse. Fait que tu peux ralentir ton vaisseau, tu peux l'accélérer. J'utilise jamais ça, ça va ben trop vite, je suis pas capable. Ouais, non, c'est ça. Tu te mets au plus slow, ben une coche au-dessus. Là, mais celui que t'es à l'aise pour te déplacer assez rapidement avec genre, ta manière que toi tu joues. C'est quand même une difficulté très élevée, puis ils sont très insultants aussi dans le choix de difficulté. T'as le choix entre Kid, Normal ou Bido, ça s'appelle. C'est la race extraterrestre, donc c'est le hard dans le fond. Ok. Mais tu sais, c'est comme. Fait que tu le mets en enfant, là. Ben là, jouer à humain, là. C'est pas normal, c'est human, fait que j'étais dans le milieu. Ok. Puis j'ai mis en enfant, et c'est pas plus facile à enfant, là. C'est ça. C'est un jeu qui est très difficile, là, quand même. Et Dieu sait que les enfants adorent ce genre de jeu. Ben oui, là, des schmops avec des histoires, là, comme ça, là. Ben en fait, il y a une affaire qu'ils ont mis par contre dans le remaster, c'est que quand tu débloques un niveau, tu l'as accessible en pratique. Fait que c'est bien, au moins tu peux pratiquer des sections du niveau. Ouais, si t'es juste dans section 4 sur 5, tu peux revenir juste faire ce bout-là pour essayer de comprendre. Ah ben ça, c'est bon ça. C'est le fun, puis ça t'encourage à l'essayer, puis à revenir, puis à pratiquer là. Ok, mais si tu pratiques un niveau, ça finit le niveau, après il n'y a rien. Tu continues pas à gagner. Non, c'est du training. C'est ça, c'est juste vraiment pour te pratiquer là. Ok. Ah ben ça, c'est cool quand même. Je pense que ça va être très. C'est un jeu qui est très satisfaisant pour les amateurs de shmup. Clairement, c'est un jeu. Je pense que c'est un jeu qui était quand même très bien coté. Là. Oui, absolument. Ils l'ont refait en HD, ce qui fait du bien parce que c'est un jeu de PS1. Puis je pense que c'est bien là, ce genre de remaster-là, de garder ces genres de classiques jeux-là, de mettre du temps et de l'effort dessus pour en faire des petits bijoux comme ça. Puis souvent aussi, tu sais, comme. Regarde, ce qu'on voit là, c'est. À force de jouer, tu vas te rendre compte que le level design est tellement bien fait que le niveau t'aide. Comme là, t'as un gros beam qui descend, là, qui tombe dans le fond de l'eau. Mais si tu te places aux bonnes places, il bloque les tirs d'un côté. Fait que si tu le suis, c'est de même que tu vas devenir bon. Puis il y a une affaire que j'ai vraiment appréciée par rapport au son. Ils ont refait la soundtrack. T'as pas la soundtrack originale, malheureusement, mais elle est très bonne. Ah non. Mais quand tu t'en vas dans l'eau, en dessous de l'eau, c'est comme si ton speaker devient genre en dessous de l'eau, un peu weird. Puis là, t'as des petits sound effects. Genre de d'eau, justement. Là. Ouais. C'est vraiment très bien. Là. T'as aussi un upscale en HD. Il est très beau, le jeu, je trouve, là, pour un jeu qui est PS1. Ça passe très, très bien. Il joue 4-3, mais tu peux aussi le faire jouer dans du 16-9. Mais ils ont pas... De ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont fait un élargi via dégradé latéral. Fait que c'est qu'ils ont genre élargi juste les côtés de ton écran. Fait que, mais ça change rien. T'as juste plus de place à déplacer, mais ça change pas. C'est le même niveau quand même. Là, ils n'ont pas rien inventé. Puis aussi, ben, il y avait des ralentissements sur la PS1 que maintenant on plus. Ce qui fait qu'il y a des tableaux qui sont très très difficiles à cause de ça. Ouais. Les ralentissements dans les shmup, des fois, ça aide pas mal. Genre le niveau 3, le niveau part, puis derrière toi, t'as un gros, immense boss qui prend tout l'écran, qui pitch des barres en avant de toi, puis toi, tu dois en même temps clearer ta voix en avant pour avancer. Fait que. Sur PS1, il ralentissait puis ça donnait un avantage d'avoir le temps. Là, ça va vite puis c'est difficile. Là, c'est... Mais ils ont gardé ça quand même fidèle là, à l'original. Là, pis, c'est... Ils n'ont pas fait de refonte artistique. Là. C'est vraiment un respect. C'est un upscale vraiment qu'ils ont fait. C'est ça. Là, c'est un remaster très prudent là, qu'ils ont fait là. Là. C'est, ouais. Ils n'ont pas mis beaucoup de features, de nouvelles. Ils ont juste vraiment mis, je pense, le mode pratique. Ils ont fait la musique, ils ont fait les assets. Puis c'est tout, là. C'est Ben, on en demandait pas tant plus. Non, puis pour vrai, puis plus je joue, plus j'étais comme, ce jeu-là est incroyable. Parce que je sens qu'il y a une histoire derrière tout ça que je comprends pas. mais juste, genre, tu le vis. Il y a quelque chose d'organique dans ce jeu-là que j'ai de la misère à expliquer au niveau de la narration. C'est le level design, la narration est tellement bien faite qu'elle est inclue. Tu n'as pas vraiment besoin de t'en soucier. Genre, ta vie en jouant. Là, Alors, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de fun, là, pour vrai. R-Type, c'est une grosse série quand ouais, même. Ouais, quand même. Là, t'sais, c'est ça. Là. Comme je dis, c'est fidèle et c'est très, très propre. Là. Gameplay fantastique, c'est très tight, c'est très profond, technique et difficile. Mais vous allez acquérir vos skills en jouant à ça, ce qui est un gros avantage dans les shmups. Là. T'sais, des fois, les shmups, souvent, on va jouer puis c'est comme continue, bombe, bombe, bombe, continue, puis là, on part. Ouais. Celui-là, il est pour pas les le même. Bullet hell, là, ça, mais ça, c'est... ça, tu peux pas. Ça, faut que t'apprennes. Et il est passable, ce jeu-là, je suis certain. Là. Ben oui, à force ben de, oui. Mais j'ai joué peut-être 4-5 heures dessus, puis je me rends à non, mais ben exact. Là, si tu jouais 20 heures, 30 heures, tu sais. C'est un peu le même principe que quand j'ai critiqué Urtion. À la fin, j'étais comme, OK, je l'ai appris mes skills, puis là, je te le passe, puis il n'y a pas de problème. Là, c'est vraiment bon. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment un très, très bon jeu. Moi, pour tous les fans de shmup qui n'ont pas joué à ça, parce que ça date de PS1, jouez à ça, pognez-vous-le, c'est vraiment un excellent jeu. Et pour toutes ces raisons, je vais donner un 4 pommes sur 5, Dom. Un généreux 4 pommes. Si on avait une échelle sur 10, j'irais donner un 8.5. Ouais. Fait que c'est 4 pommes et quart. Je trouvais que 4,5, c'était trop. 9, peut-être un petit peu trop. Ouais, c'est beaucoup. Mais oui, j'étais parti sur un 3.5, puis j'étais comme, non, ça mérite vraiment un bon 4, là, bien à côté, là. Une bonne pomme qui donne une bonne crotte en pinceau, là. Ah ouais. C'est exact. Vraiment, là, de la grosse qualité, là. Puis pour ceux que ça intéresse, si vous voulez plutôt avoir la version originale, ouais. Il va vous en coûter 260 tomates. Oh shit, quand même. C'est la valeur price charting à ce jour de ce jeu-là, que je possédais à une certaine époque. Mais là, je suis pris, il faut que je le finisse. Là. Je l'aime beaucoup, fait que je rejoue. Ça m'a fait sortir mon Steam Link, dépoussiérer ça. Là, je vois ouais. Mon PC sur ma TV, mon petit qui est dans le sol sur ma TV en haut, puis il n'y a pas de lag. Je suis comme, hey, quel beau petit bidule à 20$ que j'ai acheté, là. 12 ans. Genre. Écoute, puis ben c'est parfait, puis tu l'as eu gratuitement grâce à nos amis de Overload. Oui. Alors je remercie Gabriel qui nous a envoyé un code et Haber. Puis d'ailleurs il y a plus d'embargo puis tout. Attends un peu. Ah. Oublie. Ouais, ben on devait faire le show mercredi passé puis c'était la fin de l'embargo le jour qu'on devait faire le c'est show. C'est vrai, fait que là on est all good. Fait que je vais y envoyer tout ça demain. Alors, je pourrais le streamer, mais vous allez me voir sacré quand je meurs. tu fuck tellement ta game quand tu pètes là, une fois. Là. Moi, ça me fait tout le temps ça. Genre, je suis full power up, je vais bien. Là, je me crash, puis là, genre, je fais juste me péter à chaque 2 secondes après. Genre, ah! Je recommence. On recommence, ouais, c'est ça. Ouais, c'est le fun. Pour excellent. Alors, excellent. Merci pour la critique, JF. Merci pour le code. Code. Bien apprécié. Merci à Overload pour le code. Et puis, je vous envoie ça demain. Là, il est 10h-12. Alors, c'est clair qu'on n'a pas le temps de faire l'avalanche de questions. Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de questions. Là, je me demandais, on pose-tu des questions ou pas? Parce que on n'aura peut-être pas le temps avec le WEG. Tu sais, ouais, ouais. Puis, en effet, il est déjà... Mais parce que je veux pas qu'on les botche, tu sais. Non, c'est comme tu veux, là. On peut en faire, mettons, jusqu'à la fermeture. Jusqu'à 10. OK, ben on va aller au panneau de questions. Allons au panneau de questions. J'aime vraiment qu'on pogne jamais les Vinkoons, là. C'est... Ouais, hein. Je vais essayer de les choisir un peu, mais... Tirez-moi ça sur le volet. Sur Instagram, Olivier Hugo, il dit... Lui, les gars! Après l'épisode de Mighty No. 9, comment gérez-vous toutes ces vagues de hype quand il est temps de précommander, que ce soit personnellement ou avec RetroMTL? Je précommande plus rien, moi. Je regarde plus rien, en fait. Je regarde plus les sorties séquelles, puis des fois, je suis comme... Je me fais conseiller des jeux. J'ai tellement un backlog qui n'a pas de bon sens que j'ai comme sorti de ça. Même les sorties de films, je suis trop loadé de ce temps-ci. Je regarde plus rien de ça. Moi non plus. Je suis rien. Je suis au courant d'aucune nouveauté. Ça fait juste m'apparaître d'en face continuellement. Mais des fois, j'ai genre Bonin qui m'écrit, il m'envoie un trailer sur ça, il me dit hey, check ça. Ou genre Illy qui me dit check tel jeu de MS-DOS de marre, on devrait jouer. Genre, ouais, ouais. Ouais, ouais, ce genre d'affaire-là. T'sais, mais je suis pas hype de, genre, pour l'instant de rien qui s'en vient. Là. Moi non plus, tu sais, à moins qu'il y ait un nouveau Castlevania d'annoncer, puis que ça soit un vrai Castlevania avec écrit Castlevania dessus, là, je suis comme, OK, on va checker ça. Mais anyway, mettons, même s'il annonce de quoi de nice pour l'année prochaine ou un jour, puis que ça m'intéresse vraiment. Je suis très hype par tout ce que Steam ont annoncé la semaine passée, là, le Steam Box PC, là, puis le nouveau Cast VR Steam indépendant. Pas. Ils ont annoncé vraiment un genre de PC, mais de gaming, le Steam. Je ne sais plus comme le nom de ça. Là. T'as pas besoin de ça. Non, je le veux pas, ça. Mais je veux le Cast VR, par exemple. Qui joue à des jeux de PC, pas de fil. Là. Ouais, ouais. Peut-être, là. Mais je le regarde, je l'achèterai pas. Là. Mm. Non, mais non, puis le Steam Box, pas besoin de ça non plus. Là. Mais ouais. Ils ont comme. C'est rendu que le Steam Link. Pas le Steam Link, le Stream. Le Steam Deck, qui est la machine portable. Ouais. Tout ça comme rendu un genre de OS là, avec la petite boîte machine sur ta TV, le casque VR, fait que c'est bien ce qu'ils font là. Hmm. Ah ben c'est intéressant. Si tu peux démocratiser le jeu PC un peu plus, là, les prix des jeux PC sur Steam sont tellement ridicules des fois. Là. Ben oui, ça coûte rien. C'est ben, ça, c'est Chris. Moi j'achète ça physique à 80$ puis c'est 10$ sur Steam. Je prends Ikaruga à 1,17$ en spécial. Moi, j'attends juste de trouver la copie loose sur Switch, tu sais, qui va être crissement moins belle. Et dans les deux cas, on le joue même pas. Ça j'ai même pas le temps. C'est ça. Ben, puis sinon, pour les précommandes chez Retro MTL, ben, c'est juste qu'on regarde tout ce qui arrive. Puis, tu sais, pour vrai, nous autres, les listes des fournisseurs, tu sais, il y en a énormément. Puis, eux autres nous disent, bon, ben, voici ce qui s'en vient. Puis, à travers ça, nous autres, on choisit ce qu'on décide de mettre en précommande. Puis, chez RetroMTL, les précommandes sont sur notre site web. T'sais. Nous autres, on collecte de l'argent au monde. Moi, il faut que je fasse des bannières. L'équipe web crée des fiches. T'sais. Ouais, c'est ouais. Pas. Il y a un processus qui demande de l'argent et du temps. T'sais, ça me coûte de quoi d'ouvrir une précommande. Ouais, ouais, puis en ouais. Plus, on ouvre une précommande puis on l'a faite pour Bubble Bubble parce que nous autres, on trouve ça cool, Bubble Bubble, mais on savait bien que ça allait pas lever. Puis, t'sais, on a vendu une précommande de Bubble Bubble. Mais bref, quand on reçoit ça, nous autres, on communique avec les gens. Fait que là, il faut communiquer avec les gens. Et puis, t'sais, ça demande beaucoup de gestion des précommandes. Quand c'est tu c'est le fais temps, comme du on temps le humain, fait. Genre physique. C'est là-dedans. Du temps humain de moi, je le fais pour les médias sociaux. L'équipe web le fait pour le mettre en ligne. On reçoit une précommande. Quelqu'un achète la précommande, il faut qu'on le note à quelque part dans nos fichiers. Ah ouais? Et puis, ouais, ben, c'est dans Shopify aussi. Ouais, ouais, mais. Okay. Mais il faut le noter aussi parce que des fois, ils font des précommandes en personne en magasin. Ben, vous m'en parlerez de ça, pardon. Ouais, ben, c'est ça. Tu vas nous aider avec ça pour améliorer le processus c'est de ça, tout ça. Puis ça nous aidera peut-être à ouvrir plus de précommandes. C'est ça, là. Mais on peut pas ouvrir les précommandes de toutes. Alors, il faut les choisir pour que ça vaille la peine, que ça soit payant. Et puis, on fait des choix par rapport à... On pense que ça va être... puis vous avez le monde aussi, va être intéressé là, ou non. Mais ouais. Pour le reste, c'est ça. On n'ouvre pas des précommandes sur des affaires... Il y en a qui des fois qui sont basés sur ton goût à toi aussi. Là, ben, pour Bubble, on est tous... ouais, ben, personne va nous acheter, mais on va le faire pareil parce c'est que c'est Bubble. Question pour GF. Comme de Freshette, des Antonin Freshette. Oui. Des Freshette Bros. Des Freshette Bros qui ont une belle Smash TV. Ben oui, man. Hey, ils ont montré ça, la belle. Ils m'ont envoyé une vidéo de tout leur setup de jeu. Aussi, ils m'ont envoyé comme, oh my god. Genre, c'est comme dans un gym. Je comprends ça? Pas. Il dit, ah, c'est à mon bureau. C'est un gym, un bureau. C'est une salle de jeu. Moi, j'ai demandé, c'est où cet endroit. Il m'a pas répondu. Je me suis dit, oh, c'est peut-être une garçonnière secrète, là, où est-ce qu'il y a des pornos meurtres et des machines. Des pornos meurtres. Alors, oui. question pour GF. Comme toi, je suis un grand fan de tout l'univers de la Playdate et là, j'ai envie de me lancer dans celui du Pico 8. Peux-tu m'expliquer vite, comment ça fonctionne avec ta RGB30 et où se la procurer? Ah, c'est une console que tu achètes sur le site de la compagnie qui le fait, RGB30. Il y a d'autres consoles, n'importe quelle console d'émulation qui roule du genre d'Android ou des petites affaires comme ça, tu peux installer Pico 8 dessus. Là, c'est une application, c'est un logiciel... qui roule Android ou sur PC ou sur Mac. Là. Fait que n'importe quelle petite machine, mais après ça, dans Pico 8, t'as un magasin qui s'appelle Splore. Splore. Pour Explore. Ouais. Là, m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre ça. C'était pour ça. Mais ouais, dans Splore, tu peux aller chercher des jeux. Puis puis t'es mis dedans. Puis ça coûte 17 piastres, genre l'exécutable, là, de ça. Fait que si tu veux te commander une RGB et t'es pogné avec, tu me le diras, je vais te guider après. Là. Bon, ben écoute. Mais c'est ça. Va, check sur YouTube, ça explique très bien. Mais c'est déjà dans le système d'exploitation de la RGB, t'as une affaire Pico, fait qu'il est déjà installé. Là. Tu peux le jouer, il me semble. Là. Très accessible. C'est pas compliqué du tout. C'est des cartes SD. Tu mets dans ton ordi, tu mets le truc dessus, puis tu le remets dans ta console. Là. That's it. Puis l'affaire est chocolat. Chocolat. Il y avait une question politique. Je me suis dit qu'on partira pas là-dessus parce que ça pourrait prendre 20 minutes facile. Au moins. Sur le Parti libéral, on y reviendra. Ah, les estimants. Ils nous ont volé notre pays. Mais sinon, on transfère sur Facebook avec David Lescourt qui dit « Lors d'un WEG, tu sais, ça fit, quelle est votre stratégie niveau alcool? Bière de micro commercial, fort, vin, point d'interrogation. Pour la survie, il y a sûrement plus judicieux de descendre des Coors Light que des grosses IPA, non? Privilégiez-vous la qualité ou la quantité? » Ah, écoute, un WEG, c'est un marathon, mais qu'on fait en sprint pendant 3 jours. Donc, ouais, c'est ça. c'est tout le... Tu devrais voir ça comme un marathon, mais on sprint tout le temps. Ben moi, je vois plus ça comme... J'étais à intervalle, mettons, là. Fait que je pars très fort, je quand même me rends à un niveau, je suis comme... OK, là, j'ai pogné mon vibe, là. Là, je vais ralentir le débit, mais je vais rester sur ce niveau-là tout le temps, là. Ouais. Faut que tu pognes ce genre de vibe-là, là. Puis après ça, tu te connais aussi, maintenant, là. Tu sais quoi boire. Ben moi, je suis plus ces petites bières légères, là. Ouais, un Anakin, là, ça fait la job. Sinon, les bières plus fortes, c'est plus en fin de soirée. Là. Ouais. Les dégustations de stars à 3h du matin, des affaires-là. Là. Ouais, ben ça peut arriver, mais moi, je fais l'inverse à cette heure. Je commence fort avec des bières de micro, des affaires de même en début d'après-midi, quand c'est le temps. Puis après ça, j'y vais dans une petite, là, des courses puis des affaires de même, c'est mais, parfait. Mais j'avoue que j'ai soiré parce qu'après, je commence avec les bières. Souvent, je repars avec une... L'infuser, là, la petite bière au thé, là, c'est bon. Là. Mais après ça, je tombe dans le gin tonic et la violence. Là, fait que ouais, c'est là ça. Que j'ai... Fait que là, je repogne un hype, mais je suis comme ben trop intense. Là, fait que c'est... Non, mais c'est ça le danger. On repogne un hype, puis là, on est comme crinqué fois 1000, alors qu'on devrait juste s'écouter, mais on s'écoute plus. Puis tu sais, on devrait tellement se coucher à 2h et pas à 4h du matin. Hey, les 2-3 jours, je me suis couché à 3-4h, puis à 8h, j'étais debout pour aucune raison. On n'est pas capable de dormir. Non, mais je vais aller gamer en bas. J'ai goût de prendre un café, je me sens pas bien. Mais pour vrai, moi, j'ai souffert là, cette année. Comme la première journée, c'est tout le temps gros party sale, on vire fou. Quand le poncho sort, c'est là que ça commence. Exact. Je porte tout le temps le poncho à Eric. C'est un classique. Puis là, le lendemain, je suis scrap, c'est normal. Puis là, cette année, j'avais des maux d'estomac, puis je me suis dit, crime, je vais passer par-dessus ça, je vais recommencer à boire, tu sais, comme Slash, là, le dit dans son lit, devenir un alcoolique, pour... des pantalocs. Mais j'ai juste souffert, moi, cette année, j'ai pas été bien, tu sais, puis la bouffe, bien été. De plus en plus, moi, la bouffe commence à me rentrer dedans, tu sais, genre juste du gras. Ben oui, j'avais fait acheter des plateaux de salade, de légumes, là, on avait ça. Ça là. Se mangeait au jeu de cartes, beaucoup, ouais, c'est tout ça. Mais man, juste de l'acide, puis du gras, puis ouais, de la bière. C'est sûr que j'en ai un Michigan à 3h du matin, jours. Ça aide pas, la fin de WEG. J'ai plus cette jeunesse-là. Moi aussi, je me calme. Je pense que je devrais réajuster encore mes routines, même si je l'ai déjà fait un peu, parce que c'est... Mais moi je l'ai, là, genre une coupe de bière, après ça, je tombe dans le gin tonic d'un drink, puis genre, je vague là-dessus, puis je file pas mal. Il y a eu des wegs où je filais très mal le matin, ou genre le soir, j'étais comme... Je vais vomir, j'étais en dessous, là, genre, c'est quasiment, là, mais là, je veux pas ça non plus, là. Tout vieux, puis je veux jouer aussi. Puis, non, genre, c'est ça. Je veux avoir le pas le stress de prendre mon char, mais avoir, genre, pas être malade le lendemain, parce que je veux continuer le lendemain. C'était comme si c'était un marathon, là. Fait. Exact. Non, c'est tellement niaiseux. Tout ça est supposé être du plaisir, puis là, on est en train de la gestion de la misère. De la gestion de l'alcool. C'est complètement cave de notre part. Mais en tout cas, on est encore capable. Ouais. À un moment donné, on sera plus capable. Me défonce pas tant avec ça. Un petit peu. Julien Vachon, avec tu vas pouvoir répondre, JF, probablement, avec la Steam Machine qui s'en vient pour 2026, c'est que pensez-vous sera son prix? Hey, c'est dur, là. Des milliers de dollars! Ça peut pas être en bas de 1000$ parce que c'est un ordi, ah ouais, c'est un ordi gaming, fait, t'sais, de moyenne de gamme, mettons. Moi, je dis, avec le taux canadien 1005, d'après moi, là, ça va coûter, là. 1000, 999 US, genre, peut-être, là. Hmm. C'est mon guess. Bon, ben, C'est le guess. On y va avec c'est un PC de gaming avec un OS de la Steam Deck. Fait que c'est un PC qui est juste dédié à faire du gaming. OK. Que t'as pas à jouer dans les pièces en dedans. Tout, là. C'est très bien. Ça sera 1000$. Probablement. Ça aura été dit. On verra. Monseigneur Neveu, au fil des années, vous avez wegué à plein d'emplacements différents. Lequel était votre préféré? Ben, on a wegué à Kanata, les multiples chalets Kanata de Tremblant. Là. C'est Kanata, comme un c'est site, ça, là. C'est là. Comme un... C'est le classique, là. C'est le classique, puis c'est émotif un peu, là. C'est, ouais. c'est les débuts, là. C'est la chaleur du bois rond, là, tu sais. Les couteaux dans les murs pour tenir les couvertes pour écouter des films. Et puis, sinon, on a fait le château d'Alima. Qui est une affaire corpo gigantesque. Aussi, ouais. Moi, j'ai bien aimé. Moi aussi, là. Je trouvais que le dormage était vraiment mieux que le château de... Voyons, le dernier, là. Venise en Québec? Venise en Québec, c'est ça. Le château de Venise en Québec, qui était bien aussi, mais au niveau du dormage, c'était moins. Mais si on pouvait avoir comme la destination de Venise en Québec, puis il y avait une... Tu sais, l'été, en plus, quand il fait chaud, il y a une plage et tout. Là, c'était l'hiver, il n'y avait rien à faire, mais sinon, il y a tout là-bas. Donc, cette distance-là, les plages, tout ça, mais avec la chaleur de Kanata, tu sais, puis le dormage du château d'Alima. Ouais. Ben, le dormage de Kanata est pas pire aussi. Ouais. Fait que... Il y en a un que t'as pas été, le chalet Bouclair, là. C'était un plus petit WEG, ça. On était 16, peut-être, c'était bien, là. C'est quand on a changé le CA là, du WEG, là, pour reprendre ça. Il y a eu un buffer, là. Il y a eu un buffer, on est allé, puis là, c'était le dormage à l'enfer. Là, c'était des bunk beds, genre, j'avais comme 4 pieds de mon lit, puis le plafond pour me coucher, là. Mais il y avait un sauna là-dedans, mais c'était l'enfer, là. Mais je pense que celui-là, en fait, semaine, l'autre qu'on a fait, c'est un de mes préférés, je pense. Là. Ouais, moi, j'ai rien à dire sur le dormage, j'entendais rien, puis j'étais comme correct dans mon lit, là, j'ai pas eu de problème. Là. Ben, moi non plus, mais c'était plus pour les autres. Là. J'ai peur de me ramasser dans ces lits-là. Mais là, j'aurais dormi sur le divan lit, ça m'aurait pas dérangé tout seul. Ouais, mais moi, je suis comme pas capable de dormir des random n'importe où. Même. N'importe où, mais si j'ai mon oreiller, moi, ça me prend ça, sinon le cou est tout pété après ça. J'avoue. Oh my god. OK, ben on va revenir ça. Dominique Ostigui, ça va être la dernière question pour ce soir. Ça parle de WEG. Pourquoi il n'y a pas de madame qui participe au WEG? Ben, Martine en fait, il y en a une et c'est Martine. Alors, c'est la seule parce que c'est la seule madame qui game dans tout notre entourage. C'est one of the boys aussi. Là. Mais on la protège, là. On la met dans un... Une pièce à part, elle, toute seule, dans sa chambre, là, genre. Ben, elle a sa chambre. Elle a sa chambre barrée à elle, tu sais, ses affaires. Y a pas un gars qui dort avec, là. Non, c'est ça. Puis ce serait. C'est parce que. Tout du monde qu'on t'a mis avec, mais tu sais pas le monde, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis je dis, les filles pourraient être en danger là-dedans, là, sans le vouloir. Ouais, ben là, attends un peu. Mais là, je pousse. Non, mais je pousse à l'extrême. Mais je dis, on vit pas ça comme gars, nous autres, genre, de ce genre de situation-là. Ben, imagine, t'es le seul gars avec 40, avec 39 filles. Ah, oh, me dérangerait pas. C'est là. Weird pareil, c'est ça, là, ouais. T'sais. Fait qu'on se met à sa place. Mais en même temps, le monde qui s'en vont dans des week-ends de chasse, c'est comme, amenez-vous vos blondes au week-end de pêche. T'sais, il y a ça aussi, là, t'sais. C'est... Ben, t'sais, les blondes pourraient être admises. Moi, c'est pas une affaire de, on veut pas de femmes ici, de tabarnak. Non, non, mais... Moi, ouais, les femmes, j'aime bien ça, t'sais. Oh, oui. Mais moi, je l'amènerais, ma blonde, mais le gaming, elle veut rien, ça, t'sais, comme s'emmerderait là tellement là, tu sais. Fait que c'est vraiment parce qu'il s'emmerderait, c'est pas parce que... C'est parce que notre gang, c'est la gang des gars, là. Genre, c'est notre gang de nous autres, c'est une gang d'amis. Mais là, pourquoi c'est... n'y a-t-il pas de filles dans notre gang d'amis de gars? Parce qu'il y a beaucoup moins parce de filles dans le cas du gaming. Comment qu'il y a de femmes qui écoutent le podcast? Il y a combien de filles dans le chat présentement? Jamais, là. Non, à moins qu'on a un invité, il y a la blonde invitée qui est là, genre, mais c'est... Sinon, exact. Fait que veux pas, les clichés que c'est plus une affaire de gars, le gaming... C'est quand même ça, la vérité. Il y a souvent un fond de vérité dans les clichés. Certain... Puis tu sais, comme les filles, les femmes qui jouent en ligne, mettons, à des jeux en ligne, tu sais, puis ils se font attaquer là, par des mâles esti, puis des gars toxiques puis dégueulasses. C'est vrai, toutes ces affaires-là. Ah, parce qu'ils sont en minorité, puis que c'est comme nouveau, puis qu'il n'y en a pas beaucoup. Fait que tout le monde est comme « il y a une fille ici! » Fait qu'il n'y a pas tant de filles dans le gaming tant que ça. Je sais qu'il y en a énormément. Oh, oui, non, il y en a c'est... ici en magasin. J'en connais plein. Ben là. Oui, là. Mais tu sais, comme grosso modo, c'est un peu ça quand même, la réalité. Et il y a beaucoup de monde au WEG aussi, point. Là. Ben oui, oui, là. Mais tu sais, j'essaie de pas. Ben, je connais pas les blondes de tout le monde. Je sais pas s'il y a un blonde là-dedans qui game. Mais tu sais. Il me semble qu'on a jamais eu vraiment de demande de genre, hey, je peux t'animer ma blonde qui game. Genre, ça peut pas arriver, là. Fait que ben, aucune. Aucune ouais. En 12 ans. C'est ça, là. Ben, les gars, veulent pas. C'est pas volontairement pas de fille. C'est ça. Ben, il y a beaucoup de monde aussi qui ont des enfants, là. T'sais. Ben, c'est un break pour ben des fait parents. Fait aussi, faut laisser. Faut laisser un paramètre. C'est ça, il y a ça aussi. Là, t'sais, c'est ça. Là. Fait que c'est ça. C'est pas la fille qui va venir alors que c'est le gars qui est ami avec toute la gang. Tu comprends, ça fait pas de sens. Là, t'sais. Mais sinon, t'sais, Martine est la seule fille que je connais qui game. T'sais, régulier, genre. Ben, t'sais. Hardcore. Ouais, ouais. Pas hardcore, mais tu sais, comme. Hardcore dans le type de jeu, mais hardcore. Qui va finir Ninja Gaiden au NES. Qui joue au level à des affaires du level qu'on joue, c'est mettons, ça, là. Là, il joue pas de Mario Kart au WEG vraiment, ou très peu, t'sais, pis de... Là, je suis pas en train de dire les filles, ça joue juste à Mario Kart. Mais il y a pas d'affaires mainstream, t'sais. De quoi qu'on parle depuis tantôt? On parle de schmop, de jeux anal. C'est ce que je disais tantôt, genre les affaires mainstream, on les joue déjà de notre bar, ou on les joue pas parce que c'est trop mainstream, pis on a tous déjà vu ça. Puis les fois qu'il y a eu du Mario Kart, c'est genre on avait plugué 4 GameCube ensemble genre, pour faire une puis tout le monde s'est endormi. Puis là, c'est Nick qui dormait genre, parce qu'il était une étoile filante. Mais il y en a eu un peu quand même au dernier WEG. Là, oh, ouais, mais je veux dire, c'est pas ce genre de jeu-là qui prennent la place. Mais c'est pas comme, hey, en fin de semaine, on va faire un tournoi de Mario Kart, un tournoi de Mario Party, puis on va jouer. Genre, ah, il n'y a jamais de Mario Party, ou très peu, tu sais, j'ai pas de souvenirs. Le monde, il joue à des jeux obscurs, tu sais, puis des affaires fuckées. Obscures ou des affaires super dures, des jeux de 486. Des affaires déprimante là, tu sais, pour le commun des mortels. Fait que c'est ça, c'est pas une affaire de goffy là, c'est rien que ça donne pas, il y en a pas, fait que pas plus compliqué que ça. C'est là. Fait que voilà. C'est ça. Oups. Oh. Oh my god. Non, écoutez j'suis pas, écoutez. Je suis passé même trop vite, j'ai pesé sur le mauvais piton de fin, je voulais faire le jingle de conclusion. Ça serait pas un peu facile si je fuckais pas la fin du show. Là. C'est vrai que la fin, il y a tout la dernière fois, je l'ai eu comme il faut, puis là, genre, j'ai répété ça. C'était la fois de l'année que c'était correct. Ouais, c'est ça, là. D'ailleurs, parlant de fois de l'année... Oui, Sam, oui, on va sortir le calendrier. Le premier épisode et le dernier de l'année, je pense. C'était le dernier épisode avant Noël. Mais il me semble que le prochain, c'est vraiment le dernier. Attends, là, on est le 27. Là, la semaine prochaine, il n'y a pas de spectacle. Non. Je ne suis pas disponible de toute façon. Mon fils a un match d'impro. Ensuite... Match d'impro, hein? T'es plus jeune, ça? Ouais. Ah, cool. Il fait de l'impro. Il est à l'école de danse. Il y a des matchs d'impro. Il fait du théâtre. Il est actif. OK. Il est busy. Sinon, là, il y a une affaire. Ça irait jeudi ensuite, le 11. Mais là, si on rajoute 14 jours au 11, ça tombe le 25. Ça tombe le... Attends. Ouais, le 25, il n'y en a pas la semaine prochaine le 4, sinon ça tombe le 11. Puis là, le 11 ici, il y a les Game Awards. C'est ce que je... Ah, c'est ça. Mais whatever. Et puis le lendemain, c'est le party de Noël de ma blonde. Ça va. Puis mon gars, il y a un match de hockey, ça va. Le mercredi, mon gars a un match de hockey. Fait que je suis pas disponible. Fait que le prochain épisode serait pas la semaine prochaine, mais l'autre. Jeudi ça long, serait le 11. Puis après ça, ça tombe le 25 décembre. Donc non, pas le 25 décembre. On fera pas ça le 25 décembre. La semaine décembre. D'avant, il y a le party de Noël. Il y a, ben, ouais, le mercredi. Ben, à moins qu'on en fasse, tu sais, comme deux en deux semaines, là. Faudrait avoir mais, de l'énergie pour ça, là. Mais... Ouais. Ça veut dire qu'il faudrait préparer un genre de show de fin d'année pour le 11. Là. Ouais, mais là, au fond, on l'a fait, puis on s'est rendu compte à la fin que c'est le dernier, puis ça n'a rien changé, là. Fait que c'est... Ouais, c'est ça. On s'en reparlera. On checkera qu'est-ce qu'on fait. On fait quoi, mais oui, il reste un épisode cette année encore. Il en reste un, ça serait le 11. Après ça, on a le party de Noël. Non, pas le 25. Puis le party de Noël Retro MTL le 17. Que je vais être présent, puis on ne fera pas ça le lendemain du party de Noël Retro MTL. Non, exactement. C'est ça. Exactement. Fait que le prochain épisode, le 11 décembre, ça sera le dernier. On va voir si on fait quelque chose de spécial, simple. Moi, à chaque année, je fais une publication de mon top 10 des jeux de l'année. Peut-être qu'on peut faire un top de nos jeux. Mais t'avais dit que tu voulais pas. Ben, j'ai pas joué tant, mais je préfère un top 3. Mais ah ouais, juste toi. T'as pas juste joué. J'ai joué plus, là, mais je sais pas si je peux trouver 10, mais je pourrais pas le mettre les Dean Wadding en 10, là. Ben, en premier, effectivement. Là, ou en premier. Si je prends tout ça, oui, je pourrais en mettre. Là, puis tout ce que je joue en Playdate, tout ça, oui, je pourrais. Là. Ben, on en jase. Je pourrais me débrouiller, mais on en jasera. Oh, on a le temps d'en jaser, en effet. On va dire bye au monde dans le chat. Puis il y a Dominique aussi qui dit que les bombes atomiques, à la fin, il manque callback des Retro Nouveaux. C'est vrai. Mais en même temps, cela appartenait au Lord de Retro Nouveau, en effet. T'sais, on voulait pas repartir puis reprendre tout ce que Retro Nouveau a fait. Déjà, t'sais, je veux dire, d'une certaine façon. C'est notre la façon que le show est structuré, ça ressemble quand même beaucoup. Là. Ben, c'est un format qu'on aimait de toute façon. Mais exactement. Qui est quand même le nôtre. Là, fait que mais on le laisse à Retro Nouveau. Ça appartient à Retro. Allez voir les archives qui roulent. J'ai dû repartir encore. Il avait arrêté. Il y avait une belle grille d'électricité. J'avais oublié. J'ai reparti ça. Ça roule. Le bout préféré de SSS Frank aujourd'hui, c'est le bout d'acquisition de collection. Les jeux que j'ai acquis avaient de l'air vraiment cool. Donc, les trois jeux, apparemment. Donc, excellent. Précommande Mobile Bubble sur... Ben, c'est même pas. C'est disponible à partir d'aujourd'hui. Ah ben oui, c'est sorti aujourd'hui. Effectivement. Shinobi, il doit en rester encore. Shinobi. Alors, mais Hell is Other Demon, c'est chenou. C'est la seule copie que j'ai. Merci, SSS Frank, de nous partager ton bout préféré d'aujourd'hui. Sache que cela fait aussi partie du lore maintenant, oui. De chez Papa Cassette. Sinon, on va être perdu s'il ne fait pas. Exactement. Alors, suivez les médias sociaux de toutes Papa Cassette, ouais. Retro MTL, puis GF Crump. Partout, puis Young Media sinon. Puis je continue à faire les shorts là, des segments de collection. Enfin, tout ça va suivre sur les médias sociaux aussi. Là. On est là, on est partout, puis on continue. Yes, on meurt pas. Non. Merci tout le monde. Bye. Ciao.